Vous présentez Édouard Bourdet, est-ce bien nécessaire? Quelques titres de pièces suffiront peut-être à vous à remettre en mémoire de ceux d'entre vous qui auraient pu oublier ce nom. Le sexe faible, que la Comédie française garde à son répertoire. Fric-frac, qui fut un grand succès d'avant-guerre et dont un film célèbre a été tiré. J'ai bien connu Édouard Bourdet, qui est mort très jeune après la dernière guerre, prématurément, ayant été victime d'un accident automobile au début de l'occupation, dont il ne s'était jamais remis, ni de l'occupation non plus d'ailleurs. Et c'était un homme assez froid d'aspect, mais les souvenirs de Denise Bourdet, sa femme, nous démontrent que cet homme était en vérité un tendre, un affectueux et un timide, et que cette froideur, cette dureté même qu'il affectait quelquefois, en particulier quand il fut administrateur de la Comédie française, était un moyen de défense. Il y a deux époques dans le théâtre d'Édouard Bourdet. La première partie est ses pièces d'avant-guerre et du début de l'après-guerre, de la première. Son premier succès, Le Rubicon, une comédie charmante, une comédie de mœurs boulevardières qui fut créée au théâtre Michel, je crois bien. Puis après la guerre, sa première grande réussite, La Prisonnière, qui fit grand bruit en son temps, et qui est une excellente pièce, vient de paraître, qui fut créée en 1927, est une, pourrons-nous dire, une œuvre de transition. Je veux dire par là que, à partir de ce vient de paraître, le théâtre d'Édouard Bourdet était un théâtre de mœurs et un théâtre de satire. Vient de paraître reste encore une comédie charmante, pleine de finesse, de tendresse même, d'émotion. Et après, alors, avec Le Sexe faible, avec La Fleur des pois, une pièce particulièrement délicate et proustienne, le théâtre de Bourdet se durcit et la satire devient plus rude, plus amère même, plus cruelle. Dans « Vient de paraître », il y a un personnage que les contemporains ont dit être un portrait. C'est l'éditeur Mosca. En vérité, l'éditeur Mosca était peut-être un portrait. Lorsque la pièce fut jouée, Grasset dit que c'était le portrait de M. Gallimard. Gallimard pensa que c'était le portrait de Grasset. En vérité, c'est un personnage qui est de tous les temps, puisqu'on pourrait aujourd'hui mettre d'autres noms sur ces éditeurs audacieux. Disons peut-être que c'est un type. Vient de paraître est en plus une satire des mœurs littéraires, mais une satire somme toute assez indulgente, vous allez vous en rendre compte. Une satire souriante et aimable de l'art et la manière d'éditer, de lancer un livre et aussi peut-être de l'écrire. Il faut espérer que tous les romanciers n'ont pas les ennuis du héros d'Édouard Bourdet lorsqu'ils ont besoin, par nécessité professionnelle, d'écrire un roman. Ne généralisons pas, vous voulez bien. Eh bien, nous allons maintenant donner, c'est le président et les auteurs qui vous en prient, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, donner la parole aux comédiens qui vont interpréter « Vient de paraître » d'Édouard Bourdet dans une réalisation d'André Pergamon. Loury, 20 exemplaires, 4,5 kg. 4,5 kg. Librairie Montmartroise, 3 exemplaires, 600 grammes. 600 grammes. Attention, un raseur. Qu'est-ce que c'est donc celui-là? Ben, je ne sais pas. Ça fait 3 fois qu'il vient pour voir le patron. Vous désirez, monsieur? Je voudrais voir monsieur Mosca. Ah, il n'est pas encore là, monsieur. Je vais attendre un moment. Ben, comme vous voudrez, monsieur. Rouvier, 6 exemplaires, 1 kilo. 1 kilo. La Connaissance, 8 exemplaires, 1 kilo 600. 1 kilo 600. Claire. Qu'est-ce que c'est? Monsieur attend le patron. Ah, vous désirez voir Monsieur Mosca? Oui. C'est à quel sujet? Ben, je lui avais écrit pour lui demander rendez-vous, mais il ne m'a pas répondu. Vous vous appelez? Fournier. Ah oui, c'est vous qui l'avez connu à la guerre. Oui, c'est ça, je me demandais justement ce qu'il était devenu quand l'autre jour, passant place Saint-Michel, je vois une camionnette avec un panneau. Ah, bonjour, Monsieur Maréchal. Pardon, monsieur. Bonjour, Monsieur Maréchal. Alors, on va bientôt pouvoir vous féliciter. Oh, il faut pas dire ça. Allons, allons, il paraît que c'est fait. On ne sait jamais. Il est là, Mosca? Pas encore, Monsieur Maréchal. Ah, j'avais pourtant rendez-vous avec lui et Bourgine ici à 11h30. Le patron a demandé de vous faire signer ces agrandissements. Oui. C'est pour les vitrines. Ah, j'avais pourtant demandé qu'on agrandisse celle de suite profil. Tellement. Oui, enfin, donnez-moi un stylo. Merci. Je voulais aussi passer chez Malabert avant qu'il aille au déjeuner. Eh bien, allez-y, puis vous reviendrez ensuite. Oh, c'est une bonne idée. Ça. Bon, vous dire au patron que je serai de retour dans 20 minutes. Entendu, Monsieur Maréchal. Tout à l'heure. À tout à l'heure, Monsieur Maréchal. C'est Maréchal, le romancier, ce monsieur? Lui-même. Ah, c'est lui qui va avoir le prix Zola. On en cause, oui. C'est ça, son roman? Oui. Prenez garde de ne pas déchirer la bande. Quoi? Prix Zola 1962. Ah bon, les prépare d'avance? Naturellement. Ah. Vous êtes encore là? Oui, comme je vous disais quand nous avons été interrompus. Mais écoutez, à votre place, je reviendrai un autre jour, parce que ce matin... Ah, mais quel jour? Un jour de la semaine prochaine. Ah oui. C'est que j'aurais voulu aussi... Quoi? Enfin, j'ai porté là un manuscrit que... C'est de vous? De moi, oui, oui, oui. Alors vous écrivez? Oui, c'est-à-dire j'en fais pas absolument mon métier. Eh bien, ça vaut mieux. Je suis également au ministère des Finances. Oui, bien, c'est mon deuxième ouvrage, d'ailleurs, l'an dernier. Eh bien, écoutez, laissez-moi votre manuscrit. Je le remettrai de votre part à M. Mosca. Bien sûr, mais si j'avais pu voir M. Mosca lui-même... Alors attendez-le. Merci, monsieur. Ah, passez dans mon bureau, Bourgine, vous connaissez le chemin, hein? Je vous rejoins. Bonjour, Madame Duclair. Bonjour, Monsieur Mosca. Alors, faites exprès de Monsieur Maréchal sort d'ici. Bon, il reviendra dans 20 minutes. C'est parfait. Autre chose? Oui. Monsieur Brigaillon est venu tout à l'heure. Oui. Il avait quelque chose d'urgent à dire. Non, plus tard, hein, demain. Oui, mais c'est au sujet du prix. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il fallait qu'il vous voie de toute urgence. Alors, très bien, vous me préviendrez quand il sera arrivé. Bien, Monsieur Mosca. Il y a autre chose, Félix? Non. Ah, c'est-à-dire, si. Il y a ce monsieur qui est déjà venu à plusieurs reprises. Quel monsieur? Celui que vous avez vu en entrant. Il s'appelle Fournier. Oh non, non, mon vieux, j'ai autre chose à faire que de recevoir mes vieux camarades de régiment. Bien. Hein. Qui repasse? Le livre des cours, monsieur. Le voici, merci, monsieur. Félix. Merci beaucoup. Monsieur Mosca est désolé, il ne peut pas vous recevoir en ce moment. Vous lui avez dit mon nom? Oui, il a demandé que vous repassiez. À quelle heure? Ah, il n'a pas dit d'heure. Ah, bon. Bon, bah alors je vais aller faire un petit tour. C'est ça, oui. Je reviendrai. Et voilà. Première, monsieur. Alors... Cher maître, vous me disiez que des plantes... Oh, il marchera à fond pour Maréchal, il me l'a promis. C'est très bien. Et les autres? Lurie marchera avec des plantes. Et puis? Oh, je ne vous parle pas de Malabert et de moi-même, qui, naturellement, sommes toutes acquises à Maréchal. Ça va, tout soit. Ah, et Scipion? Là, j'ai eu du mal, mais c'est fait. Mais en somme, qui reste-t-il contre nous? Un Noisy. Et les deux ou trois indécis qu'il pourra entraîner derrière lui. Vous pourriez peut-être lui faire une proposition de ma part. À Noisy? Oui, dites-lui qu'on pense à lui pour la critique dramatique de Lutetia. Il avait manifesté le désir d'avoir cette critique autrefois. Qu'est-ce que vous dites de mon idée? Je vous ferai simplement remarquer, cher ami, que moi aussi, je vous l'avais demandé. Quel intérêt a-t-il pour vous? Vous ne faites pas de théâtre, mon cher maire. Il n'y a aucune raison pour que je ne m'y mette pas comme les autres. Bon, cher Bourgine, oui, non. Je suis même un peu surpris, étant donné les preuves de dévouement et d'amitié que je n'ai cessé de vous donner, spécialement à l'occasion de ce prix Zola, que vous n'ayez pas songé à moi, plutôt qu'à Noisy. Non, mais ne vous fâchez pas. En tout cas, si vous persistiez dans votre intention de faire offrir cette critique à Noisy, je vous prierai de choisir un autre commissionnaire. Ah ouais. Et dans ces conditions, vous comprendrez que je me désintéresserai entièrement du vote qui va avoir lieu. Oui, ouais, on se comprend même très bien. Bon, alors, n'en parlons plus. Puis-je compter alors que vous me ferez l'honneur, le moment venu, de songer à moi? Vous savez profiter des occasions. Hein. Merci. Il faut que je m'en aille, le vote est pour midi. Une seconde. Ma petite Claire, tu vas accompagner M. Bourgine au déjeuner Zola. Tu l'attendras comme l'année dernière. Et tu me téléphoneras quand il t'aura communiqué les résultats. T'as entendu? Voilà. Mon cher maître, Je compte sur vous. Oh, soyez tranquille. Même sans Noisy, nous gagnerons. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mon petit. Bonjour, monsieur Brégaillon. Monsieur Brégaillon est là. Ah, Brégaillon, comment ça va? Vous aviez manifesté le désir de me voir? Oui. Vous allez peut-être trouver que je me mêle d'une chose qui ne me regarde pas. Oh, mais croyez que ma démarche m'est dictée par mon amitié. Alors? Puis-je vous demander quelles sont vos intentions à l'égard de Maréchal? Mes intentions? Oui, il va avoir le prix Zola. Bah, j'espère bien, oui. Vous pouvez même en être sûr, il l'aura au premier tour de scrutin, il y a une grosse majorité. Vous avez mené l'affaire de main de maître. Bah, son livre est très bien fait, j'ai fait ce que j'ai pu pour le mettre en valeur, voilà tout. Je sais. Bah, d'ailleurs, ce que j'ai fait pour lui, je le ferai pour vous. Oh, oui, bien sûr. En ce qui concerne le prix Georges Sand, mon cher, il ne s'agit pas de ça. Je vous assure que je ne ressens aucune jalousie. Oui. Bon, considérons donc le vote comme acquis. Vous voulez bien? Qu'allez-vous faire? Je vais le lancer, comme d'habitude. Oui, c'est-à-dire que vous allez faire une publicité considérable autour de son nom et qu'en somme, cette première affaire ne vous rapportera pas grand bénéfice. Vous pourrez même dire que j'y serai de ma poche, mais c'est normal. Oui, mais vous avez l'intention de publier le prochain roman de Maréchal. Naturellement, son prochain roman, et puis les suivants. Vous avez signé un contrat avec lui à ce sujet? Non, pas encore, mais ça va de soi. Maréchal ne signera pas avec vous pour son prochain roman. Parce que? Parce qu'il a signé ailleurs. Vous dites? Chamillard vous l'a soufflé. C'est pas vrai. Ils ont signé un contrat hier soir pour les trois prochains romans de Maréchal. Et ils touchent 1 million à titre d'avance. Dites donc, Brégaillon, quand on avance une chose comme celle-là... Il faut en fournir la preuve. Oui. J'ai vu le contrat. On me l'a montré. Qui? La seule personne qui soit au courant de l'affaire en dehors de Chamillard et de Maréchal. Qui est-ce? Quelle est la personne qui, inévitablement, est au courant de vos contrats ici? Ma secrétaire. Voilà. Attendez-moi 2 minutes, je vais vous l'amener. Qui? La secrétaire de Chamillard? Elle m'attend pas dans un taxi. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, Brégaillon? Elle a le contrat. Vous pensez à tout, vous, hein? Je vais la chercher. Félix, venez ici tout de suite. Monsieur? Félix. Vous allez prendre ma voiture qui vous en apporte. Oui, monsieur. Vous allez vous faire conduire chez Dréau, où a lieu le déjeuner Zola. Oui. Vous demanderez si monsieur Bourgil est arrivé. S'il ne l'est pas, vous l'attendez devant la porte. Dès que vous le voyez, vous lui dites de me téléphoner immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Maréchal est un salaud. Allez, hop. Voilà mon bébé. Le contrat, s'il vous plaît, madame. Oh, merci. J'ai dit à mademoiselle qu'elle pouvait compter entièrement sur votre discrétion et, au besoin, sur votre reconnaissance. C'est pas ce que je voulais dire. Mais... Voici, mademoiselle. Je suis très pressé. Alors, rentrez vite, mon petit. Remettez tout en ordre. Et à ce soir. Je ne savais pas Chamillard aussi roublard que ça. Vous faisiez la publicité pour le prix Zola et c'est Chamillard qui en profitait. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Que tout l'argent que j'aurais pu gagner avec Maréchal et que je ne gagnerais pas. C'est que je me suis fait rouler. La première fois que ça m'arrive, ça ne me plaît pas du tout. Je ne peux tenir le coup dans le métier que je pratique et de la façon dont je le pratique à condition d'être toujours et partout le plus fort. Alors? Alors quoi? Alors, je vais tâcher de ne pas encaisser, voilà. Comment? Permettez. Oui. Oui, vous me le passez. Ah, mon cher maître, Bourgine, oui, c'est pas commencé, non? Bon, alors écoutez-moi bien. À la suite d'un renseignement qui vient de me parvenir et que je ne peux pas vous communiquer par téléphone, je n'ai plus du tout, mais vous entendez, plus du tout de raison de souhaiter que Maréchal ait le prix Zola. Non, non, j'en ai même au contraire de souhaiter qu'il ne l'ait pas. Vous me comprenez? Vous ne me comprenez pas, ça n'a aucune importance. Continuons. Alors, en ce qui concerne Malavert, vous allez lui redire purement et simplement ce que je vous ai dit. Oui, mais pour des plantes et pour les autres, il faudrait peut-être y mettre un peu plus de diplomatie. Ben oui, alors dites que, saisi de scrupules, vous avez voulu relire le roi de Maréchal. Ben alors, vous avez voulu le lire. Et que cette lecture ne vous a pas convaincu. Voilà, il ne serait peut-être pas mauvais non plus de laisser entendre que nous sommes d'accord tous les deux. Oui, non, l'important c'est que ceux dont la voix allait à Maréchal à cause de moi sachent que je leur rends leur parole. Comprenez? Voilà, je vous laisse agir, mon cher maître, n'est-ce pas? Oui. Grâce à Dieu, oui. Au revoir, mon cher. À défaut de maréchal, c'est Racapelle qui va avoir le prix. C'est possible. Et Racapelle, c'est Chamillard. J'en veux pas à Chamillard, il fait son métier. C'est à maréchal que j'en veux. Amédez-vous les m'annoncer. Monsieur Maréchal est là. C'est inutile de lui dire que c'est par moi que vous savez. Naturellement, quand c'est sur moi, vous n'avez certes sans doute pas envie de le rencontrer, non? Pas spécialement. Alors, vous passez par l'exposition. Au revoir, mon petit. Comment ça va? Oh, je suis dans un état d'énervement. Pas vous? Ben non. Non, je me sors, c'est tranquille. Eh ben, vous avez de la chance. Bandit, ils sont en séance. Oui. Dites-moi, maréchal. Puisqu'on est là, tous les deux, là, on pourrait peut-être régulariser un peu nos engagements. Hein? Quels engagements? Eh ben, pour votre prochain bouquin et puis les suivants. Ah oui, oh, nous avons le temps. Oh, puisqu'on est ensemble, qu'on n'a rien d'autre à faire. Hein? Oui, qu'est-ce que c'est? Je voulais simplement vous prévenir si j'étais rentré. Très bien fait, Félix. Ah, dites donc, je voudrais deux contrats sur papier timbré. Eh bien, monsieur. Hein? Oh, à propos, j'oubliais. Vous avez vu Bourgine? Bourgine. Oui, j'ai vu Bourgine, oh là. Monsieur, merci. Merci beaucoup, Félix. Voilà. Alors, mon bon maréchal, contrat. Entre les sous-signés, M. Gilbert Maréchal, etc., hein, j'ajoute ça, d'une part, et M. Julien Mosca, etc., d'autre part, il a été convenu ce qui suit. Vous êtes absolument sûr de Malabert, n'est-ce pas? De Malabert, oh, absolument. M. Maréchal réserve à M. Mosca qui accepte. Et des plantes. Oh, des plantes. M. Mosca qui accepte pour tout le temps que durera sa propriété littéraire, celle de ses héritiers ou ayant droit tant sous la législation actuelle que sous la législation future. Bah, là, oui. Le droit exclusif d'impression, de publication et de vente, tant en France qu'à l'étranger, de ces trois prochains romans à partir de ce jour. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Hein? Écoutez, mon cher, je vais sans doute vous paraître ridicule, mais je préfère ne pas signer ce contrat maintenant. Et pourquoi? Non, je suis très superstitieux. J'ai l'impression que ça ne nous porterait pas chance pour le prix. Ah non, non, maréchal. Vous faites nerveux comme ça, voyons. Ah non, allez. Pour prix de cette session, M. Mosca paiera à M. Maréchal, à titre d'avance sur le premier livre à paraître, la somme de 1 500 000 francs. Vous dites? Condition suspensive. Au cas où le roman de M. Maréchal, actuellement soumis au jury du prix Zola, ne remporterait pas ce prix, le présent contrat serait nul et non avenu. Écoutez, mon cher, voulez-vous me donner jusqu'à ce soir? Jusqu'à ce soir? Mieux que ça, donnez-moi une heure. Oui, dans une heure, je reviens et je vous assure, enfin, je crois pouvoir vous assurer. Vous que... croyez pouvoir m'assurer quoi? Eh bien, que je signerai ce contrat. Vous ne pouvez pas le signer maintenant? Non, non, je vous l'ai dit, je suis très superstitieux. Ah, alors, maréchal, on va le signer tout de suite. Hein? Non, vraiment, je ne pourrais pas signer maintenant. Non, oh, non. Mon pauvre maréchal. Quoi? Hein? Rien. Qu'avez-vous dit, mon pauvre maréchal? Vous permettez? Oui. Oui, vous me la passez, oui, certainement. Oui, attends que j'écrive. Recommence. Bien. Bien, oui. Quoi? Evnos, qu'est-ce que c'est que ça, Evnos? Ah, c'est tout? Bon, merci. Alors, entendu, je bouge pas d'ici. Est-ce que c'est... Oui, c'est Claire qui veut téléphoner les résultats du premier tour. Du premier tour? Ah oui. Je n'ai pas eu la majorité. Oh, bah non. Actuellement, c'est Racapelle qui vient en tête. Racapelle. Racapelle, mon vieux. Oui, regardez les chiffres. Racapelle, 4 voix. Maréchal, 3 voix. 3 voix. Oui. Evnos, 2 voix. Qu'est-ce que c'est que ça, Evnos? Je ne sais pas. 3 voix. Et Brégaillon. Brégaillon, on a tout vu. Brégaillon, 1 voix. Bah, 4 et 3, 7. Et 2, 9. Et Brégaillon, bah oui, ça fait 10. Le compte y est. Non, mais c'est insensé. Oui. Dans l'hypothèse d'un but défavorable, j'étais assuré d'un minimum de 6 voix au premier tour. Alors, c'est-à-dire que j'avais la majorité. Alors, comment expliquez-vous? Je n'explique pas, mon cher ami, je constate, voilà tout. Ben, vous ne pourriez pas rappeler Claire pour lui demander des précisions? C'est pas la peine, elle me téléphonera quand elle aura les résultats du deuxième tour. Oh non, c'est Desplantes qui m'a lâché. Oh, ah. Oui. J'aurais dû me douter que sous son air bonasse, il cachait une âme de traître. Ah, maréchal, c'est que des âmes comme ça, il y en a plus qu'on ne croit, vous savez. Permettez, alors, non. Oui, alors, oui. Oui, mon chéri, bien sûr, oui. Une seconde. Oui, bien. Oui. Ah, il y a un troisième tour. Elle me dit qu'il y a un troisième tour. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, Evnos? Tu vas tâcher de savoir d'où il sort, celui-là, non? Oui, naturellement, je sais. Eh bien? Eh bien, vous avez perdu un rang. Non! Ah, ben oui. C'est Racapelle qui vient en tête avec 4 voix à égalité avec cet Evnos, dont personne ne sait rien. Et puis vous avez 2 voix, une de moi qu'on prenait tout. Mais c'est un guet-apens. On m'a frappé par derrière. Oh, les lâches. Oh, les lâches. Mais dites quelque chose. Vous restez là comme si ça vous était égal. Oh, non. Oh, ça m'est pas égal. Mosca, ouais. M'avez-vous dit, oui ou non, que vous étiez absolument sûr de Bourgine, de Malaber et de Desplantes? Sans compter ceux comme Lurie qui votent toujours avec Desplantes. Ils auront changé d'avis. Ouais. Ces gens-là sont moqués de vous. Ah non, maréchal. Non. On ne se moque pas de moi. Personne, mon petit maréchal, jamais. Ou alors on paie très cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas compris, non? Non. Ah, comme vous avez été bête, maréchal, il fallait me dire. Chamillard m'offre 1 million pour mon prochain roman. Moi, je vous offrais 1 200 000 francs, tout aurait été joué. Au lieu de ça, vous vous êtes amusé à faire des cachotteries. Vous voyez où ça nous a mené. C'est vous qui m'avez enlevé le prix. Alors. C'est-à-dire que privé de mon appui, votre roman a dû se défendre par ses seuls mérites, pas hein? Bah, 2 voix sur 10, c'est déjà pas si mal. Mosca, vous êtes un misérable. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens d'être un jobard. En tout cas, vous allez savoir ce que ça vous coûte à vous aussi, cette petite affaire. Ça ira chercher du côté du million. Vous trouvez pas que c'est un peu cher? Non, je trouve que ça les vaut. Adieu, Mosca. Au revoir, sait-on jamais. Au revoir, peut-être. Ça m'étonnerait. Voilà. Ah, te voilà, toi, bon. Le téléphone était encombré de journalistes, alors j'ai sauté dans un taxi. T'as bien fait. Alors? C'était Venos qui a le prix. Oh, non. Par 6 voix contre 3 racapelles et 1 abrégaillon. Mais d'où l'ont-ils sorti? Personne ne le sait, on n'en avait jamais entendu parler. Enfin, son livre a bien été édité quelque part, hein? Oui, à Orléans, chez un nommé... Guillaume. Guillaume, ça dit quelque chose? Oui, c'est un de nos clients, un petit libraire. Il paraît que ça n'a été tiré qu'à 1000 exemplaires. Et ça s'appelle comment? L'éveil du cœur. Oh, t'en m'avais-tu. Il paraît que c'est Scipion qui a amené toute l'affaire. Mmh. Et vous ne savez pas pourquoi? Non. Bien parce que sur les 15 candidats, c'est le seul qui ne m'a pas fait demander sa voix. Dis donc, vous allez tâcher de me trouver... Quoi? Guillaume au téléphone, à Orléans, tout de suite. Bien entendu. Tu n'as rien appris sur l'auteur? Personne ne l'a jamais vu. Scipion a trouvé ça tellement épatant. Un type qui présente un roman Brizola sans se faire recommander, qu'il a dit je vote pour lui. Les autres ont commencé par rire et puis, peu à peu, ils se sont laissés convaincre et finalement, il les a eus. Dis donc, ils sont encore à table? Oh, ils commencent à peine. Bon, alors écoute-moi bien. Mmh? Tu vas y retourner. Mmh? Tu diras à Bourgine que je veux absolument un exemplaire de quoi? L'éveil du cœur? Mmh? C'est ça, bon. En tant que membre du jury, il doit en avoir un. Hein? Alors s'il n'en a pas, il s'en procure un, tu me le rapportes ici tout de suite. T'as compris? Bon, entendu. Voilà. Félix, la camionnette est dans la cour. Alors dites au chauffeur de décharger la camionnette et de se tenir prêt à partir tout de suite. T'as entendu? Bon. Quelle journée. Alors oui, qu'est-ce que c'est? Oui, naturellement, vous le passez. Allô, la librairie Guillaumin? Oui, c'est ça. Je voudrais parler à monsieur Guillaumin, s'il vous plaît. Ah, c'est monsieur Guillaumin lui-même. Bonjour, monsieur. Ici, c'est... Monsieur Mosca. Ben, Julien Mosca. Ben, l'éditeur. Ah oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, monsieur, c'est vous qui avez édité le roman L'éveil du cœur d'un certain Evenot, c'est ça, oui? Ben, vous connaissez la nouvelle, j'espère. Monsieur, il vient d'avoir le prix Zola. Oui, ah, ben, si, ben, ça, monsieur, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, oui. Ah, là, vous n'êtes pas le seul stupéfait, mais monsieur, c'est comme ça. Alors, je vous téléphonais précisément pour vous racheter les droits d'édition. Oui. Ah! Ah, le livre a été édité au fond de l'auteur, oui. Ah ben alors, vous pourriez peut-être lui faire part de ma proposition. Mais c'est encore beaucoup plus facile, monsieur, de me donner son adresse tout de suite, c'est ça, oui. 28 rue du Val-de-Grâce. Val-de-Grâce, c'est ça, oui, Val-de-Grâce. Très bien. Non, je verrai moi-même. Mais en ce qui vous concerne, monsieur, 500 000 francs, ça vous va, oui? Ah non, monsieur, pas de participation, non. Non, 500 000 francs pour les exemplaires qui vous restent en magasin, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous reste? 800? Ah ben, presque tout, alors. Ben, c'est parfait, oui. Monsieur Guillaumin, les empreintes, s'il vous plaît. Ah ben, elles sont chez l'imprimeur. Bon, ben, monsieur, il faudrait les faire emballer. Oui. Un de mes employés va se mettre en route avec la camionnette. Il vous remettra un contrat signé. Et un chèque, naturellement. Oui. Et vous, en échange, vous lui remettrez les exemplaires qui vous restent et les empreintes. Oui. Ah ben, c'est parfait, vous voyez. Oui. Ben, monsieur, je suis enchanté d'avoir votre connaissance. Ah oui. Eh ben, monsieur, vous salue bien. Ah. Et voilà. Bon. Amédée, viens tout de suite. Voilà, monsieur. Dis donc, tu vas prendre la voiture. Oui, monsieur. Je vais te faire conduire 28 rue du Val-de-Grâce. Prends note, 28 rue du Val-de-Grâce. Oui, monsieur. Chez monsieur Evenos, E-V-E-N-O-S. Me cru, Amédée, voyons, je dis. Evenos, c'est oui, ça, monsieur. 28 rue du Val-de-Grâce. 28. Alors, tu le trouves, tu l'emballes et tu me le ramènes. Hein. Bien, monsieur. Allez, dis donc, tu fais taper ça en 2 exemplaires, le contrat de Guillaumin. Bien, monsieur. Bon. Au galop! Oh, oui, car... La camionnette est prête, monsieur. Ah, très bien. Je vais demander à Claire de me faire un reçu de 500 000 francs pour Guillaume. Oui, c'est arrangé? Oui, c'est arrangé. Dites donc, elle lui remettra ce chèque en échange du reçu, et lui fera signer un des deux exemplaires du contrat. C'est Amédée qui les a. Hein? Bien. Voilà. Ah, les bandes de prix, là. Il faut les enlever du Brin de Maréchal. Vous les mettrez sur l'éveil du cœur dès que la camionnette sera arrivée. Hein? Oui, oui, monsieur. Il faudra me rapporter le contrat à signer, Félix. Oui, oui, monsieur, entendu. Oui. Voilà. Ah, c'était vite, très bien. Bon, parfait. 220 pages, c'est parfait, c'est pas trop. Félix, Dupont, l'imprimeur, tout de suite, téléphone. Tu lui dis que les empreintes de l'éveil du cœur sont en route, qu'il se met au cliché demain matin et qu'il laisse tout le reste de côté. C'est entendu? Bon, d'accord. Il y a une journaliste qui voudrait vous voir. Déjà, parce qu'elle veut. Bon, elle fait la rentrée. Ah, dis donc, tu te tiens prête à partir tout de suite pour Orléans avec la camionnette. Pour Orléans? Pour Orléans, mon cher, c'est une ville charmante, tu verras. Pour Orléans, bah oui, tu me raconteras plus tard. Quoi, qu'est-ce que tu veux? C'est le contrat, monsieur. Je vous relirai pour voir si c'est conforme. Oui, bien entendu. Bonne journée, merci, mon petit ami. Bonne journée. Mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Mosca. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Josiane Olivet. Oui. Voilà, j'ai un papier à faire sur le lauréat du prix Zola. Ah! Oui, c'est au sujet de cet Evenos. Mais on n'en a jamais entendu parler. Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi inconnu que cet homme-là. On ne peut même pas se procurer un exemplaire du roman. Ah, les libraires sont hors d'eux. Ah, vraiment? Tiens. Alors, je me suis dit qu'il n'y avait qu'un homme capable de savoir quelque chose. Et que cet homme, c'était vous, monsieur Mosca. Vous vous êtes dit ça? Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Est-ce que je me suis trompée? Non, pas du tout, vous avez bien fait. Vous pouvez rassurer vos lecteurs, je vais leur dire que dès demain, la première édition de L'Éveil du cœur sera en vente chez les plus grands libraires. Mais on m'a dit que le livre était édité, Orléans. Oui, ben je viens d'en racheter les droits. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Pardon? Ce roman, L'Éveil du cœur. C'est un roman? Oui, oui, bien sûr. Un roman très condensé, 220 pages, pas une de plus, oui. Mais pourriez-vous me dire... Non, c'est une œuvre tout à fait remarquable. Vraiment? Oh, de tout premier ordre. Yop. Et sur l'auteur, pourriez-vous me donner... Non, je ne l'ai jamais vu, mais je l'attends. Ah bon? Oui, oui. Dites-moi, si vous voulez repasser les signes demi-heure, je pourrais peut-être tâcher de vous avoir une interview. Vous feriez ça, monsieur Mosca? Je pourrais tâcher, oui. Est-ce que je peux amener un photographe? Naturellement, bien sûr, vous amenez un photographe. Merci, monsieur Mosca. Je vous en prie, je vous en prie. À tout à l'heure. Alors, tout va bien? Ah, dis donc, Amédée, alors? Je ne l'ai pas trouvé chez lui, mais... J'ai ramené sa femme. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de sa femme? Allez, bon, allez, qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle ne sait rien pour le prix. Elle ne sait rien? Parfait, allez. Bonjour, madame. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Mosca. Oui, oui, oui, madame. Oh. Je vous en prie. Merci. Oh, mon mari sera désolé, monsieur. Votre employé m'a dit que vous vouliez le voir d'urgence. Oui, oui, oui. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore rentré à cette heure-ci. C'est au sujet de son livre, n'est-ce pas? Précisément, madame, oui, oui. Ah. Est-ce que vous l'avez lu? Parcouru seulement, oui. Ah. Et avez-vous l'impression que ça pourrait vous intéresser? Si j'ai l'impression que c'est pas... Oui, madame, j'ai l'impression que c'est... C'est pour ça, justement, que je... Monsieur, je suis si contente. Je vais vous dire que c'est moi qui poussais mon mari à écrire. Ah. Oui, j'ai eu du mal à le décider, mais enfin, j'ai réussi. Il a déjà écrit un livre avant celui-là l'année dernière. Ah, vraiment? Et un petit roman, mais très joli, vous verrez. Oh, il écrit très bien. Mais voyez comme il est, hein? Je lui ai donné l'idée de le présenter au prix Zola. Son roman, il n'a jamais voulu. Pardon? Sous prétexte que nos amis d'Orléans se moqueraient de nous s'ils l'apprenaient. Alors, vous savez pas ce que j'ai fait? J'ai écrit à Guillaumin de le présenter, sans rien lui dire. C'est amusant. Oui. Non, je vous en pardonne, madame, mais je ne vous suis pas très bien. Non, ce n'est pas de ce livre-là que vous parliez d'abord? Ah, mais non, monsieur, c'est de celui qu'il devait vous apporter ce matin. Ce matin? Oui. C'est ça. Il ne vous l'a donc pas laissé? Non, c'est-à-dire, madame, que je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer votre mari. Vous ne l'avez pas vu? Jamais, non. Pardon, pardon, vous êtes bien monsieur Julien Mosca avec qui il a fait la guerre? C'est Fournier? Mais oui, monsieur. Mais Evenos, alors? C'est son pseudonyme, à cause de l'administration, vous comprenez? Nom d'un chien. Mais... Alors, vous l'avez vu? Mais non, non, non, madame, je n'ai pas eu le temps de le recevoir. Sans ça, vous pensez bien que... Pardon, pardon, monsieur, de quel livre voulez-vous parler? Mais du premier, madame, du premier. Celui qui vient d'avoir le prix Zola. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui, bah, le prix Zola, madame, le prix Zola, c'est mon cher, c'est mon bon ami Fournier qui a eu le prix Zola, je n'en doutais pas. C'est pas possible. Ah, madame, c'est comme je vous le dis. Mais alors, nous allons être célèbres? Mais madame, alors qu'il y en parle déjà que de vous dans tout Paris. Oh, mon Dieu. Dès ce soir, la photographie de votre mari sera sur tous les journaux. Sur tous les journaux. Oh, en première page. Oh. Et dès demain, vous serez invité à dîner dans les 20 maisons les plus célèbres de Paris. Mais monsieur, nous ne connaissons personne à Paris. Vous connaissez personne à Paris. Mais madame, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas ce que c'est que la gloire. Vous allez voir ce que ça sera. Et ce n'est qu'un début. Si votre mari a le bon esprit de suivre mes conseils, est-ce que je peux espérer qu'il les suivra, mes conseils ? Oh, vous pensez bien, monsieur. Ah, c'est ça. Alors, en somme, je peux me considérer dès à présent comme son éditeur, quoi. Bien sûr, oh. Voyons, bien sûr. Eh ben, c'est parfait, alors. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Il faut que j'aille le prévenir. Oh, non, pas du tout. Je vous ai. Moi, je ne vous lâche plus. Vous allez rester ici. Mais vous êtes trop aimable, monsieur. Non, non, mais je vous en prie, vous en prie. Oh, la femme des venos, c'est vous allez écrire un petit mot, oui, que je vais lui faire porter. Oui. Vous lui direz, si vous voulez bien, qu'il ne voit personne, et en tout cas qu'il n'accepte aucune convocation avant de m'avoir rencontré. N'est-ce bon, pas? Voilà, ça. Vous allez vous asseoir là, c'est très confortable. Merci bien. Voilà, vous y voyez clair. Oui. Voilà, un peu de papier. Oui. Voilà. Faut-il lui parler du prix? Lui parler du... Oh non, c'est pas la peine. Vous lui direz vous-même tout à l'heure. Bon. Ça sera plus gentil. C'est ça. Hein? Encore moi. Je vois. Oui. Est-ce qu'il est moins occupé en ce moment? Ah, écoutez, à votre place, j'attendrai quelques jours, parce qu'en ce moment, vous n'avez aucune chance d'être reçu. Ah, vous croyez? Ah, aucune. Bon. Ben alors, vous lui direz que j'ai pas voulu le déranger, puis que je reviendrai enfin d'ici 4-5 jours. C'est ça, comptez sur moi, j'attendrai votre commission. Au revoir, monsieur. Voilà, voilà. Ça ira comme ça? Légèrement. Oui, très bien, vous permettez, je vais le... Bien sûr. Donc, Félix. Monsieur. Prenez la voiture devant la porte. Oui. Vous portez ça chez Fournier et vous me le ramenez immédiatement, hein. Fournier? Oui, Fournier. Vous pouviez pas vous douter que c'était Evenos, naturellement. Evenos, lui? Ben oui. Mais alors? Qu'est-ce qu'il a? Il va bien? Il est devenu fou, Félix? Félix? Oui. Non, monsieur. Ben, quoi? Le voilà. Qui? Lui. Fournier, oh là, c'est quelque chose. Non, mais bah, dis donc, c'est pas commode de te trouver, toi. Comment? Oh, bah écoutez, oh, bah, c'est important. Dis donc, Vin qui est là. Je sais pas. Ah, bah, regarde. Jacqueline, toi, qu'est-ce que tu fais là? Allez, alors, embrassez-le, dites-lui tout, quoi. Mon chéri, c'est fou. Tu as le prisola. Quoi? Le prisola pour l'éveil du cœur. Non, mais qu'est-ce que c'est plaisanterie, alors? J'avais écrit à Guillaume de le présenter sans rien dire, puisque tu ne voulais pas. Et il a eu le prix! Ben oui, par 6 voix contre 4, pensiez-toi! Mais enfin, comment est-ce arrivé? Parce que les juges ont trouvé que ton bouquin était le meilleur, qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Oh, je sais pas, je peux pas y croire. Tu veux qu'on te fasse chercher les premières éditions des journaux du soir? Ça va être dans les journaux? Ah, ben ça y est déjà, tu en es sûr, ça. Ça, c'est très ennuyeux, alors. Pourquoi? Ben, à cause de mon chef de bureau, tu sais, s'il apprend, c'est moi qui est... Tu vas me faire le plaisir de lui flanquer ta démission, ton chef de bureau, hein? Ben, démission? Ben, enfin... T'es fou. Tu peux pas rester dans un ministère, voyons. Surtout que tu vas déjà toucher les 800 000 francs que je vais te verser en avance sur tes droits. Mais quels droits? Mais les bêtes, écoute, enfin, tes droits d'auteur, voyons. Oh, c'est que... Ah, ah. Guillaume, vous en faites pas, j'y ai pensé. Je lui ai racheté tes droits par téléphone. Ah, ah, ça va aller vite, hein. Dès demain, les premières éditions sont sous presse, on tire à 50 000 pour commencer. Oui, exemplaire, tu te rends compte, Jacqueline? Qu'est-ce qu'il y avait raison, hein? Alors, hein, tu vois, tu peux sans inconvénient renoncer à ton ministère, et puis mon vieux, il n'y a pas de seconde à perdre. D'ici 3 mois, je veux annoncer ton prochain ouvrage, moi. Bah ça alors, mon vieux, tu peux l'annoncer tout de suite. Tiens, le voilà. C'est pas vrai. Mais oui, c'est pour celui-là, justement, que je voulais te voir, qu'est-ce que c'est? Il est aussi bien que l'autre. C'est pas le même genre, non? Non, La Veille du Cœur, c'est un roman, ça. Eh bien, ça. Ça sont des souvenirs. Tiens, des souvenirs sur la guerre. Ah, souvenirs sur la guerre. Oui, hein, je crois que ça te plaira. Non, j'en suis sûr. Sinon, mon vieux, je crois que tu ferais mieux de garder ça pour plus tard. Pour plus tard? Ah, oui, parce que ce qu'il me faut maintenant, c'est ton second roman. Là, bonne histoire. Ben c'est que malheureusement... Ne l'écoutez pas, monsieur Mosca. Il va vous dire qu'il n'a pas encore de sujet pour un autre roman. Mais naturellement, tu n'as pas encore de sujet. Parce que tu n'as pas cherché. Maintenant, tu vas y penser. Oh, hein? T'as bien quelque chose dans tes cartons, hein? Non. Petite nouvelle qu'on pourrait étoffer un petit peu, non? Oh, non. Il trouvera. Soyez tranquille, monsieur Mosca, il trouvera. Ah, chère madame, j'ai une idée. Ah. Oui. Oui, j'ai une idée. Tu vas tout simplement écrire une suite à L'Éveil du Cœur. Ah. Une suite à la veille du cœur. Oh, c'est une très bonne idée, ça, ah. Oui. Dis donc, qu'est-ce que tu as fait de tes personnages à la fin de ton roman? Tu les as pas tués, hein? Bon, je sais pas. Ben, t'as bien fait, tu vois, il faut jamais tuer ses personnages à la fin d'un roman. C'est pas ce qui peut arriver, ben la preuve. Ben voilà, tu cherchais un sujet, en voulant tout trouver. Tout trouver. Oh, écoute donc, lui a toujours protesté, là, voyons. Oh, bon, qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, hein. Monsieur. Quoi? C'est la journaliste qui revient. Ben, faites-la entrer, oui. Elle veut t'interviewer. Interviewer, oui. Moi? J'aurais jamais, comment veux-tu? T'en fais pas, je répondrai à ta place. Ah, mademoiselle. Madame Evenos, monsieur Evenos. Madame, mon cher maître, permettez-moi d'abord de vous féliciter, Josiane Olivet. Alors, vous l'avez votre interview? Oui, monsieur Mosca, je vous remercie. Mais auparavant, pour ne pas perdre de temps, si vous permettez qu'on prenne une photo. Naturellement. On pourrait prendre un groupe, monsieur Evenos au milieu, madame à sa droite et monsieur Mosca à sa gauche. Voilà. Ça va comme ça? Oui, très bien. Très bien. Merci beaucoup. On pourrait peut-être... Quoi donc, mon cher maître? Enfin, je ne sais pas, je pensais qu'on pourrait peut-être me prendre seul. Oh, mais parfaitement. Monsieur Evenos, seul. Vite. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ouh, j'en peux plus. Tu es fatiguée? Oh, il y avait un monde. Il faisait une chaleur. Maréchal n'était pas là-bas? Il n'a fait qu'entrer et sortir. Il avait deux autres cocktails. Ah, ça, il est à son aise, hein, dans ce genre de réunion, lui. Il a beaucoup de succès. Toutes les femmes raffolent de lui. Oui, enfin, ou du moins, il le croit, hein. C'est là l'important. Tiens. De quoi t'en parlais? Un tas de choses. Du roman de Courrèges, de quoi encore? On a parlé de moi? Mais mon chéri, on parlera de toi quand on les s'arrêtera. Sois juste, on a assez parlé de l'éveil l'année dernière. Je tiens pas tellement à ce qu'on parle de moi, d'ailleurs. Ah ben ça, tu aurais tort. C'est très important, au contraire, qu'on en parle. Surtout chez Marie-Laure, qui est le premier salon littéraire de Paris. As-tu bien travaillé? Non. Montre ce que tu as fait. Mais où est-ce? Ma corbeille. Encore? Ah oui, encore. C'est grave, Marc. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je travaille 10 heures par jour, je peux tout de même pas faire mieux, moi. Enfin, où en es-tu? Mais toujours au même point, j'en sors pas. Non, la vérité, c'est que j'aurais jamais dû vous céder à Mosca. Toi, je savais que je pouvais pas écrire ce livre. J'en étais sûr, je vous l'avais dit dès le premier jour. Enfin, abandonne-le momentanément et fais autre chose. Et quoi? Je ne sais pas, moi. Tu n'as pas dit l'autre jour que tu avais une très belle idée de roman. Que je... Oh, penses-tu, j'ai dit ça pour embêter Maréchal, mais c'était pas vrai, naturellement. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Je te jure qu'il y a des moments où je donnerais n'importe quoi pour... Pourquoi? Bah pour me retrouver au ministère, tout simplement. Tu es fou, Marc. Bah oui, je sais bien que ça allait te faire bondir, mais qu'est-ce que tu veux, ça n'empêche pas mais que... Je te défends de parler ainsi, c'est enfantin et ridicule. Le téléphone, Marc. Bah réponds. Oui, je réponds. Allô? Oui, oui, c'est ici, oui. Ah bien, c'est Mosca. Alors, je peux lui parler. Allô? Oui, bonjour. Mais oui, il y a un siècle. Comment? Oui, oui, il est là. Oui, seulement il travaille. Oui, il n'arrête pas. Comment? Oui, oui, il est très content, très. Ah, il veut venir. Aucun prix sur toi. Et c'est qu'il va être obligé de sortir maintenant. Très bientôt, oui. Ah. Ah bon? Bon, eh bien, je vais le lui dire. C'est ça, c'est ça. Il vient? Il est à deux pas d'ici, il faut absolument le voir. Oh. Ah ben, il m'en tient plus que ça. C'est tout naturel qu'il se préoccupe de ton travail, écoute. Dis-moi, si je lui disais la vérité. Non, Marc, tu ne parles pas sérieusement, voyons. Ce qu'il faut, c'est gagner du temps. Mais à quoi bon, puisque de toute façon... Tu ne vas pas jeter le manche après la cognée parce que tu as du mal à finir cette deuxième partie, voyons. Enfin, écoute, je te dis ce que j'avais fait ces trois premiers chapitres. Dis-moi la vérité, est-ce que c'est bon ou mauvais? Mais non, ce n'est pas mauvais. Enfin, est-ce que selon toi, ça vaut l'éveil du cœur? L'éveil était très réussi dans son genre, ça c'est un autre genre, voilà tout. En tout cas, tu n'étais pas très emballé quand je t'ai lu ces trois premiers chapitres. Moi, mais si. Ah non, tu m'as dit qu'il y avait des longueurs. Que... Enfin, c'est pas le moment de parler de tout ça. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je lui dis, moi, Mosca? Eh bien, parle-lui de ce que tu as fait. Dis-lui que tu en es très content. Seulement que tu vas très lentement parce que tu... Tu veux que ce soit tout à fait parfait? Et puis parle-lui avec assurance, là, comme un homme tranquille, sûr de lui. Oh. Ah ben ça, alors, je pourrais jamais su parler avec assurance. Mais si, voyons, mais si. Oui. Si maintenant je m'en allais et que tu le reçois, toi tu lui parlerais, hein? Il sait que tu es à la maison et t'a demandé de l'attendre. Viens. Aïe, alors voilà. Oh, ce que je donnerais pour être ailleurs. Tu devrais t'asseoir à ton bureau avant l'air de travailler. Tu crois? Oui, allez, allez, vite, vite, vite. Puis quelle autre figure que ça? Quelle figure veux-tu que je fasse? Et l'air absorbé dans ton travail. Merci, mademoiselle. Ah, bonjour, ma petite Jacqueline. Comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Bonjour, romancé. Petits enfants, je suis bien content de vous voir. Ah, nous aussi. Et nous demandions ce que vous deveniez. N'est-ce pas, Marc? Hein? Oui, c'est... Oui, oui, nous le demandions. Alors, paraît que tu en mets un grand coup? Oui, bah, en ce moment, ça... T'es content? Ah, oui, oui, je suis assez content. Il ne vous le dit pas parce qu'il est modeste. Et je le sais, moi, il est très content. Ah, très. Bien. Alors, on va pouvoir paraître d'ici deux mois. Quoi, d'ici deux mois? Oui, oui, moi, je viens de donner un écho aux nouvelles du Parnasse. Quoi, ton bouquin sortirait le 1er mai? Le 1er mai? Ah, bah oui, alors il faut que... Bah, d'ici trois semaines, je dois compter ferme sur un manuscrit, quoi. D'ici trois semaines? Bah oui. J'ai un bouquin de Maréchal le 1er juin. Comment je croyais que vous étiez brouillé? Non, le plus... Oh, je vais signer un contrat, pas plus tard qu'à trois jours. Comment, après ce qu'il t'avait fait? Il m'a fait un tour de cochon, je vais faire un tour de salaud en équipe. Il est gentil, il a du talent, Maréchal. Moins qu'il le dit, naturellement. Et puis il se vend. Il est dans les gares. C'est mon vieux qui se vend où il veut, hein. La question n'est pas là. Et puis, il a un avantage, Maréchal. Quand il vous promet un roman, il ne vous fait pas attendre comme quelqu'un que je connais depuis 18 mois. Oui, seulement il y a roman et roman. Hein. Oui, alors mon petit vieux, résumons-nous. Je te donne un mois plein si tu veux. On reculera un peu le bouquin de ton ami Maréchal, voilà tout. Mais dans un mois, jour pour jour, il me faut ton manuscrit. Non, non, je ne peux pas m'engager pour une date fixe. Ayez un peu de patience. Mais vous croyez que j'en ai pas eu assez comme ça, de la patience? J'ai un certain mérite, moi, vous savez, à lui garder ma confiance avec les bruits qui courent. Non, oh, bien sûr, si vous écoutez les envieux, ça... Je ne vous écoute pas, parce qu'il m'arrive quelquefois de les entendre. Mais quels sont ces bruits? Ah oh, bah, encore l'autre jour. Un de tes confrères, je ne nommerai pas, me disait en déjeunant, ah, bah, votre Evnos, il n'avait jamais qu'un bouquin dans le vent. Qui a dit ça? Peu importe. L'essentiel, c'est que je n'ai pas attaché d'importance à ce jugement. Je n'y ai pas cru, puisque je te le rapporte. J'ai rudement besoin de ne pas y croire, entre nous. Pas le contrat qu'on a signé tous les deux. 3 millions par an pendant 10 ans, ça fait 30 millions que j'ai risqué sur toi, mon vieux. Hein? Le voilà, ton contrat, on peut le déchirer. Marc, je veux dire, il traverse en ce moment une période de nervosité. Oui, je vois. Oui, ça l'ennuie de vous faire attendre ce livre, alors il s'énerve sur les derniers chapitres. Oui. Tu veux que je te donne un peu plus de temps, c'est ça? Oui, voilà. Pourquoi ne le dis pas tout de suite? On mettra Maréchal avant, voilà tout. Nous paraîtrons en juillet. Hein, ça te va comme ça? Non, c'est pas encore assez. Vas-y, donc. Quand, alors? Jamais. Tu dis? Je renonce. Mais à quoi? À écrire ton bouquin? Oui. Mais il est devenu fou, qu'est-ce qu'il raconte? Tu as écrit L'éveil du cœur ou non? Oui. Quand on a écrit un roman comme ça, on peut en écrire 10 autres, hein? Mais bien sûr, voyons. Comment non? Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas inventé, là. Je ne l'ai pas inventé, là, autre chose. Ne t'inquiète pas, il exagère tout. Je n'ai aucune imagination fin. Quand vous avez voulu tous les deux que j'écrive une suite à L'éveil du cœur, j'ai essayé. Mais je ne peux pas. Enfin, puisque tu as pu écrire L'éveil du cœur. Non, j'ai pu écrire L'éveil du cœur parce que là, je n'ai pas eu besoin d'inventer. Comment? C'est une histoire qui est arrivée, puis j'avais un document entre les mains. Quel document? Journal de la jeune fille. Ah, bah, tu pourrais peut-être la retrouver, la jeune fille. Pourquoi faire? Pourrait te raconter la suite. Mais il n'y a pas eu de suite. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je le sais, voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ta jeune fille, là-bas? Elle est devenue ma femme, là, ça te suffit? Alors, tu es content? Tu es tout de même arrivé à le dire. C'est pas possible. C'est roulant, alors. N'est-ce pas, hein? Oh, sacré Jacqueline. Dites donc le monsieur qui c'était. Entends-tu ça, mon cher? Tu peux bien me le dire. Oh, oui, ça. Au point, nous en sommes. Un médecin. Oh, comme dans le roman, alors. Bah oui. Mais tu aurais au moins pu en faire l'architecte. Ah oui, t'as déjà vu un architecte diriger un hôpital. C'est vrai. Comment ça a fini? Vous avez lu le roman, non? Rien de plus, alors? Oh, bah, dis donc, ça suffisait comme ça. Mais quoi, vous l'avez jamais revu? Jamais. Enfin, as-tu lu le roman, oui? Moi, j'ai lu le roman, oui. Bon, alors, est-ce qu'elle le revoit dans le roman? Oh là là. En somme, l'histoire s'arrête là, quoi. Ah oui. Enfin quoi, vous avez rien eu d'autre dans votre vie, vous? Comment? Oui, à part le major, il n'y a jamais eu personne dans votre existence? Mais j'ai eu Marc. Non, vous avez eu Marc, oui. C'est pas un sujet, ça. C'est tout ce que nous avons à t'offrir. Que voulez-vous? C'est pas de notre faute, hein? Nous sommes heureux. Tu n'as pas l'air de te rendre compte de ce que ça va me coûter, cette plaisanterie. Je t'ai proposé de résilier notre contrat. Non, parce que ça me fera rentrer dans tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, en publicité, sans compter ce que je t'ai versé depuis 18 mois. Mais j'y peux rien, moi. Je ne peux te proposer de déchirer ce contrat. Mais il est embêtant, il est fatigant de son contrat, dis donc. Il s'agit de nous sortir de la situation où tu nous as mis. Tu comprends pas ça, non? Mais si, il comprend. Il s'agit que tout l'argent que j'ai dépensé pour toi ne soit pas dépensé en pure perte, pour toi et pour moi. Est-ce que je te demande en échange d'écrire un roman qui a semblant d'intérêt? Pas un Mirabeau, tout de même. Donc, je t'assure. C'est pas un chef-d'œuvre, oui, pardon. J'ai mis en mon sème. Franchement, tu es ridicule à la fin. Donc, mon petit vieux, je suis bon diable, mais il y a des limites, hein. Tu sais comment ça s'appelle, ce que tu as fait vis-à-vis de moi depuis 18 mois? Vis-à-vis de toi? Vis-à-vis de moi, oui. En te faisant passer pour un romancier, un vrai. Ah oui, comme Maréchal. Comme Maréchal, parfaitement. Et en cette qualité-là, tu m'as soutiré 5 millions. Soutiré, parfaitement. Ça s'appelle de l'escroquerie, tout simplement. Ah non, tu vas retirer ce mot immédiatement. Bon, je retire rien du tout. Alors je te prie de prendre la porte. Je ne la prendrai pas non plus, la porte, alors. Mais calmez-vous tous les deux, voyons. Tu m'as insulté, je le prie de sortir. Et moi, je refuse, là. Très bien, je n'ai plus qu'à te céder la place. Marc, je t'en prie, ne pense pas à ce qu'il dit, tu le sais bien. Tu voudras bien m'avertir quand ce monsieur se sera décidé à vider les lieux. Marc, t'en prie. Oh. Là, vous voyez ce que vous faites, vous? Vous croyez que c'est bien ce qui m'arrive, moi? Oui, mais c'est pas une raison pour employer des mots pareils. Mettons que le mot ait dépassé ma pensée. Alors, allez le lui dire, je vous en prie. Une seconde, hein. Je voudrais un peu voir clair en tout ça. Petite Jacqueline, ça s'est terminé quand, votre histoire avec le major? Il y a un peu plus de 10 ans. Et depuis ce temps-là, vous n'avez rien eu dans votre vie? Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime mon mari, oh, moi. Vous avez une drôle de façon de l'aimer, votre mari. Parlons-en. Comment? Si vous l'aimiez tant que ça, vous seriez un peu plus préoccupé de sa carrière. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lui fournir de quoi travailler. C'est une idée qui m'était pas venue, ça, je l'avoue. On n'en serait pas où nous en sommes si elle vous était venue plus tôt. Comme c'est votre devoir. Devoir. Votre devoir, parfaitement. Mais quoi qu'il a forcé à écrire, Marc, c'est vous, c'est pas vous? Mais non, c'est pas moi. Qui a forcé à écrire L'éveil du cœur? C'est-à-dire que... Qui a présenté l'avis du cœur au prix Zola, sans même l'en avertir? Je pouvais pas prévoir qu'on allait le lui donner. Ma chère, en matière de prix littéraire, faut toujours tout prévoir. Hein? Qu'est-ce qui serait, Marc, si vous n'avez pas rencontré? Il sera un brave petit employé au ministère des Finances. Bien heureux, et bien tranquille. Au lieu de ça, pan, vous le projetez dans la littérature. Ah! Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que vous êtes une ambitieuse. Ça, c'est pas mal d'être une ambitieuse. Vous avez voulu un mari littérateur. Vous l'avez. Votre mari ne peut écrire que des romans vécus. Mais il faut lui en faire vivre, voilà tout. Et c'est ce que vous allez faire, ma petite chérie, parce que vous êtes une bonne épouse et une brave petite femme. Alors, il faut que j'aie des aventures. Non, non, pas exactement. Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Je ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose avec quoi on puisse faire un roman. Et puisque je vous dis qu'il n'y a rien dans ma vie. C'est bien pour ça qu'il va falloir y mettre quelque chose. Mais quoi? Mais je ne sais pas encore. Attendez. Qui m'a parlé de vous l'autre jour? De moi? Oui. Mais quelqu'un qui m'a demandé si vous aimiez votre mari et que ça semblait beaucoup intéressé. Ben, j'y suis. Regardez-moi un peu en face, vous. Maréchal, il n'est pas amoureux de vous? Non. Oh, non. Il vous fait pas la cour? C'est-à-dire, vous savez bien que Maréchal... On ne peut pas se trouver 5 minutes avec une femme sans lui déclarer qu'il l'adore, qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il vous a dit qu'il vous adorait. Oui, mais... Bon, eh bien, ma petite Jacqueline, nous allons nous arranger pour qu'il n'en reste pas là. Qui, nous? Vous et moi. Mais... Ah, c'est pas la peine de mettre Marc au courant, hein. Je connais celui-là. Il ferait tout manquer, alors? Vous croyez que moi, je pourrais? Eh, mais Maréchal, c'est parce qu'on vous demande, non? On vous demande de vous laisser aimer par Maréchal, c'est tout à fait différent. Et pendant ce temps-là, vous, vous écrivez votre journal. Ce sera le journal d'une femme honnête, voilà tout. C'est tellement longtemps qu'on n'en a pas fait, ça peut marcher très bien. Vous vous laissez tranquillement aimer par Maréchal, pendant ce temps-là, vous écrivez votre journal. Quand nous avons assez de matière, nous mettons Marc au courant. Et voilà, croyez-vous qu'il a de la chance, celui-là, hein? Vous croyez que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec? Ah, s'il ne m'avait pas. Non, non, non, je ne peux pas faire ça, non. Parce que? Non, à cause de Maréchal. Oh, ben, Jacqueline. Non. Il s'agit de choisir entre Maréchal et la carrière de votre mari. Je me demande si vous avez le droit d'hésiter. Non, non, je ne saurais pas, je vous assure, D'ailleurs, c'est pas tellement difficile de se laisser faire la cour par Maréchal, vous savez. C'est sa spécialité. Non, mais trouvez autre chose. Il n'y a pas deux solutions, hein, Jacqueline. Il n'y en a qu'une. Et c'est déjà assez joli d'avoir trouvé, j'aime autant vous le dire. Hein. Alors, un autre, si vous voulez, mais pas Maréchal. Ma chère, il n'y a plus tellement d'hommes qui aiment les femmes, on n'a pas l'embarras du choix. Alors. Je vous en prie, Mosca, non, non. Ma chère, je suis désolé d'insister, mais il faut que je sois fixé. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Et si je n'accepte pas? Évidemment, Marc a toujours la ressource de retourner à son ministère, si on veut bien le reprendre. Ça, il n'en est pas question. Ah, évidemment. Avoir été la femme du numéro 1 de chez Mosca et redevenir la ménagère d'un petit fonctionnaire, rédacteur au ministère des Finances, ça n'est pas gai. Je ne vous parle pas des avantages matériels, je sais que vous n'êtes pas intéressé. Mais et les autres? Ah oui. Si nous arrivons à lui faire pondre encore 2 ou 3 romans comme le Veille du cœur, ouais. Eh bien, dans 10 ans. Quoi, dans 10 ans? L'Académie française. Oh. Non, ben, je connais mon métier, laissez-moi faire. Hein. Il produit peu, c'est une excellente note. Nous préparons l'affaire à fond. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Monsieur Maréchal, madame. Faites-le entrer. Et vous osez prétendre que cet homme ne vous aime pas? Je viens dire bonjour à Marc. Oui. Alors, votre réponse, vite avant qu'il entre. Comme au fond, je suis sûre que ça ne réussira pas. Tout ce que je vous demande, Jacqueline, c'est d'essayer. Ah, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, illustre romancier. Bonsoir, Mosca, comment ça va? Ça va bien. On parlait de vous, justement. De moi? Oui. Jacqueline me demandait si je connaissais le nom de votre dernière victime. Oh, c'est pas vrai, non. Le nom de la femme qui est amoureuse de vous pour le moment, si vous préférez. Personne, même. Ah, Maréchal. Non, personne, vraiment. C'est pas possible. Oui, c'est ainsi. Et vous, ce n'est pas là? Il doit être dans sa chambre. Je vais lui dire que vous êtes là. Il boude, figurez-vous. Ah oui, pourquoi? Bon, à cause d'une bêtise que je lui ai dit tout à l'heure. Hein. À propos de son prochain roman, dites-lui que je retire tout ce que j'ai dit. S'il y tient absolument. J'y vais. Hein? Croyez-vous qu'il est adorable? Hein? Oh. Pas seulement joli, mais spirituel, intelligent. Hein? Si j'étais pas l'homme raisonnable que je suis, mon vieux, hein. Quel enthousiasme. Moi j'ai une règle. Je ne mélange jamais les affaires et l'amour. Jamais. D'ailleurs, les femmes de mes auteurs, ça fait partie du personnel. C'est sacré. Alors, tant mieux. Alors, dites donc, Maréchal, le grand tombeur. C'est vrai ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Rien au tableau pour le moment? Oh, vous n'êtes pas amoureux par hasard, non? Bon, j'aurais pu le devenir, mais heureusement, moi aussi, je suis un homme raisonnable. Vous n'avez pas de personnel, vous? Non. Je ne tiens pas à être ridicule. Ridicule? Maréchal, vous? Ah, ouais, j'aurais pu le devenir. Auriez-vous rencontré une cruelle? Eh oui. Oh, elle vous aime pas? Non. Vous êtes sûr de ça? Oh, oui. Parce qu'il y a vraiment que les psychologues de profession pour ne pas voir plus loin que le bout de leur nez, hein, dans ces cas-là. Non, je ne me trompe pas. Ah, ben c'est bizarre, ça. C'est bizarre, parce que moi, j'aurais parié... Qu'est-ce que vous auriez parié? Rien. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Aveugle, va. Oh, vous allez vous expliquer. Oh, non, il vaut mieux que je me taise. Mosca, je vous somme de parler. Non. Ou alors, il faut me jurer que vous allez oublier tout de suite ce que je vais vous dire. Oui. Alors. Il me prie de curiosité comme il est là. Eh ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous étiez arrivé un quart d'heure plus tôt, mon cher psychologue, vous auriez pu remarquer qu'on attendait votre arrivée avec une impatience. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais, ah, vous oubliez tout ça, hein, dites donc. C'est drôle. Je crois enfin que j'ai tout de même une certaine expérience des femmes. Oui. Eh bien, j'ai toujours commencé par croire que je n'avais aucune chance. Non. Si, je suis toujours le dernier à m'apercevoir que je suis aimé. Oh. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, au fond, je me suis toujours dit que vous étiez un grand modeste. Si, attentionnez là. Les nouvelles du Parnasse, ce sont des forfans, mon cher, ça a pris n'importe quoi. Oui. Comment vous êtes seul? Il veut absolument que vous alliez lui faire des excuses. Oh, mais tout ce qu'il voudra, là. Où est-il? Dans sa chambre, je vous précède. Non, je me débrouillerai très bien tout seul. Il vous adore. Se rend compte, Evnos, de la chance qu'il a. Quelle chance? Mais de vous avoir. Il me semble. J'ai l'impression qu'il laisse se perdre tant de choses en vous. Mais non. Dans ce petit roman, je me rappelle pas le nom, qui était charmant. Un peu puéril, mais charmant. Quel roman? C'est lui qui est le prix de la... L'éveil du cœur. C'est ça, oui. Mais dans ce roman, vous apparaissez si trahi. Défiguré. Qui vous dit que ce soit moi? Bon, qui serait-ce? Il vous aime, n'est-ce pas? Oui. Et vous? Vous l'aimez? Mais oui, je l'aime. Pourquoi souriez-vous? Avez-vous remarqué comme il faut peu de choses pour modifier le sens d'une phrase? Mais... Non, n'ajoutez rien. Vous êtes décidément quelqu'un de très charmant. Vous êtes vraiment trop indulgent. Non. Ne faites pas semblant d'ignorer tout ce qu'il y a en vous de rare, d'unique. Mais je sais si bien comment je vous aimerais, moi. Ça m'était permis de vous aimer. J'exigerais de vous avoir à moi, rien qu'à moi. Vous seriez près de moi, toujours. Et dans les intervalles de répit que nous laisserait l'amour, je travaillerai à vos pieds. Mais je suis presque toujours près de Marc lorsqu'il travaille. Je lis là, sur ce canapé, ou bien il me dicte. Il vous dicte? Oh! Oh, quelle horreur! Pourquoi ne pas me demander de taper à la machine pendant qu'il y est? Mais ça aussi? Quoi? Oh! Ça ne m'ennuie pas! Oh, non, Jacqueline, vous en supplie. Laissez-moi vous voir autrement que remplissant ici les fonctions de dactylo. Vous, oh! Mais n'avez-vous jamais rêvé d'être aimé autrement? Enfin, dites-moi que si. Dites-moi que vous vous révoltez quelquefois. Mais je ne suis pas malheureuse. Et vous croyez qu'un être comme vous peut se contenter de n'être pas malheureuse? Eh bien, non, vous n'avez pas le droit, non. Mais vraiment, laissez-moi vous dire en face ce qui m'étouffe depuis si longtemps, chaque fois que je vous vois. Mais que faites-vous dans cette maison? Vous vous étiolez? Comment je m'étiole? Comme une fleur qui manque d'air. Il manque à vos yeux cette lueur que seul peut y mettre l'amour. Je me suis assez penché sur les femmes pour reconnaître celles qui appartiennent à la race des amoureuses, et je vous ai tout de suite reconnu pour une de celles-là. Vous l'ignorez, parce que l'orage qui bouleverse les eaux dormantes n'a pas encore éclaté en vous. Et si je n'en veux pas de cet orage? Croyez-vous qu'il est encore temps de dire que vous n'en voulez pas? Je peux très bien lui fermer la porte. Le feriez-vous? Sentez-vous combien je vous désire. Taisez-vous. Mais ne voulez-vous pas m'aimer un peu? Non. Alors, dois-je ne plus revenir? Répondez-moi. Mais je n'ai pas dit ça. Oh, merci. Voilà. Ah, tout arrangé. Bah oui, quoi. Nous sommes embrassés. Ah non, non, non, non, nous ne sommes pas embrassés. Moralement. Comment ça va, cher ami? Mes enfants, je vous emmène dîner dans un caboulot que je connais, donc vous me direz des nouvelles. Ça vous va, Jacqueline? Ça dépend de Marc, s'il veut. Oh, bien sûr qu'il veut. Ah, tu veux? Ah oui, ça a l'air de faire tellement plaisir. Si monsieur Maréchal veut nous faire l'honneur d'être des nôtres. Ah bon, parce que moi aussi, je... Naturellement, à moins que vous n'ayez quelque chose de plus intéressant à faire. J'avais autre chose à faire, mais je ne ferai pas. C'est moi, il faut que je passe me décommander. Ben voilà, moi, il faut que je signe mon courrier. Vous vous décommandez, dans 20 minutes, on se retrouve là. Ça va? Mais c'est parfait. Allez, je vais vous montrer ma nouvelle voiture. Ah, vous allez verdir de jalousie. Pas quelque chose. Tu vois que j'ai eu raison de lui dire la vérité à Mosca. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien voilà, il a exigé que pendant un mois, je n'écrive plus une ligne, que j'essaie de penser à rien. Oh, puis tu sais ce qu'il propose? Non. Eh bien voilà, que nous allions nous installer dans sa villa et que nous y restions le temps qui sera nécessaire à mon rétablissement. Il t'a proposé ça? Oui. Par exemple, il y a une chose un peu ennuyeuse. C'est qu'il a l'intention de demander aussi à Maréchal. Ah. Oui, paraît que lui aussi a besoin d'air pur. Enfin, tu sais, on le mettrait à part au fond du jardin dans un petit pavillon, quoi. Enfin, on ne le verrait guère qu'aux heures des repas, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je ferai ce que tu voudras. Ça n'a pas l'air de t'emballer, hein. Mais si. T'es de mauvaise humeur? Pas du tout, non. C'est à cause de ce que j'ai dit à Mosca tout à l'heure sur la manière dont j'étais l'évêque du cœur? Tu m'en veux à cause de ça? Mais non, je ne t'en veux pas. Ah, bon. Mosca m'a dit qu'après un mois passé là-bas, il est à peu près sûr que j'écrirai un nouvel évêque du cœur, dit. Il a peut-être raison. Hé, hey, qu'est-ce que tu crois? Peut-être. Bah alors embrasse-moi si t'es contente. Hein? Au fond, on s'aime bien tous les deux. Non? Mais oui, mon chéri. Je vous répète que M. Mosca tient à garder le secret le plus absolu. Vous m'en avez trop dit ou pas assez, M. Félix? Je ne vous ai rien dit du tout. Mais il y a des silences éloquents. Où M. Mosca cache-t-il Evenos et Maréchal? Demandez-le lui. Et où est-il? Vous me permettez que je passe un coup de fil? Mais je vous en prie. Merci. Allô? Allô, monsieur Mosca? Josiane Olivet. Merci, très bien, et vous-même? Dites-moi, j'ai appris que vous séquestriez Evenos et Maréchal. Non? Comment dites-vous? Une thébaïde littéraire. Mais je pourrais faire un papier sensationnel. Comment non? Ah oui, deux interviews séparées, oui, si vous voulez. Entendu. Mais où sont-ils, monsieur Mosca? Pardon. Oui, merci, monsieur Mosca. Eh bien, ce soir même, vous vous préparez à les rejoindre. Ah non, non, je préfère le train. Ah, à propos de train, monsieur Mosca, que faisons-nous pour les frais? Oh, mon journal, vous savez, il n'est pas généreux. Parfaitement. À bientôt. Entendu. Monsieur Félix, monsieur Mosca veut vous parler. Merci. Allô? Allô, oui, bonjour, patron. Oui? Combien? Bon, bon, bon, c'est entendu. Au revoir, monsieur Mosca. Vous voyez, tout s'arrange. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Des espèces ou un chèque? Ah non, non, non, non, des espèces. Eh ben, c'est entendu. Vous n'avez qu'à aller voir le caissier, je vais le prévenir. J'y vais. Je vous en prie. Albert, et vous allez recevoir mademoiselle Olivet. Comptez-lui 100 000 francs. Oui, oui, 100 000, en espèces. Et surtout, n'oubliez pas de lui faire signer un reçu, hein. Merci. Alors, vous attendez Mosca? Oui, nous avons reçu un télégramme ce matin nous annonçant son arrivée pour ce soir avec Bourgine. En effet, je suis au courant. C'est lui qui vous a dit que nous étions installés ici? Oui, et il m'a vivement engagé à venir interviewer Maréchal et votre mari. Oh, c'est une occasion que je ne regarde de manquer aussi. Dès mon arrivée, j'ai envoyé un mot à Maréchal pour lui demander rendez-vous. Je ne comprends pas ce que fait mon mari. Vous ne pensez pas qu'il tarde à rentrer parce que mon train est à 4 heures et ça... Oh non, il va arriver d'une minute à l'autre. Vous souvenez-vous, madame, que c'est moi qui ai eu le plaisir d'interviewer la première votre mari, le jour où il a reçu le prix de l'art? Certainement, je me souviens très bien. Ah, voici monsieur Maréchal. Bonjour, mademoiselle Alibet. Mon cher maître. Voilà, je vous ai préparé une interview d'une colonne et demie environ, ça vous ira? Ah, admirablement, bon. Oui. Voulez-vous que je vous en donne rapidement connaissance? Eh bien, très volontiers. Vous allez venir, nous allons faire quelque part dans le jardin, je vous lirai ça en nous promenant. Excusez-nous, cher ami. Voilà, une demi-heure avec Gilbert Maréchal. Une indiscrétion nous ayant révélé l'actuelle villégiature de monsieur Gilbert Maréchal, nous avons tout fait de prendre le train et, après une nuit de voyage, nous avions la bonne fortune de surprendre le jeune et brillant romancier au fond de sa retraite. Mmh. Ça va? Très bien, très bien. Je vous en prie. Les compliments d'usage échangés, nous lui demandons à vous pourquoi. Ah, Jacqueline. Te voilà, toi. Oui, Josiane Olivet est venue. Oui, dans le jardin avec Maréchal. Bien, je ne veux pas la voir. Elle vient t'interviewer. Oh, pardon, elle vient interviewer Maréchal. Autrement, c'est à moi, et non à lui, qu'elle devait écrire pour demander ce rendez-vous. Comme tu es susceptible. Je ne suis pas susceptible, mais Maréchal est plus jeune que moi. En outre, j'estime, enfin j'ai tort sans doute, mais c'est ainsi que littérairement il vient après moi. Quoi? J'ai rien dit. C'est à moi que Josiane Olivet devait écrire. Enfin, qu'est-ce que tu as contre Maréchal? Rien. Je le trouve ridicule, moi, c'est tout. Je vois pas ce qu'il a de ridicule. Enfin, cet homme qui reste tous les jours devant sa table de travail de 8h à midi et de 2h à 5h, quoi qu'il arrive, et qui pendant tout ce temps-là n'arrête pas d'écrire. Oh non, je trouve ça magnifique, moi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu ne peux pas supporter. Tu veux que ça me fasse? Non, une chose, par exemple, que je supporte mal, c'est d'être tenu au courant 3 fois par jour de son travail. Alors là, au déjeuner, au thé, au dîner, sans ça, je m'en passerai bien. Évidemment, il est plus facile de ne rien faire. Comme ça, on est sûr de ne pas ennuyer les autres. C'est pour moi que tu dis ça? Ah, le revoilà, tiens, j'aime mieux m'en aller. Mais ça va être ton tour. Je ne tiens pas à ce qu'on publie d'interview de moi. Ah, c'est intelligent, ça. Bon, ben, je vais au village acheter quelques jours. Vous publierez ça intégralement, n'est-ce pas? Bien comme d'habitude. Voilà. Merci. Oh, mais non, ce n'est pas encore là. Je ne l'ai pas vu. Vous savez, vous feriez mieux de partir si vous êtes pressé. Écoutez, il n'aura qu'à m'envoyer son papier par la poste. C'est ça, je le lui dirai. Vous voudrez bien m'excuser auprès de lui, madame. Bonjour, mon cher mademoiselle. Maître. Passer par le jardin, c'est plus court. Voulez-vous m'expliquer pourquoi vous refusez obstinément de venir me retrouver dans ce petit pavillon où nous serions si bien? À quoi bon? Vous n'imaginez pas que j'ai des choses à vous dire. Des choses qui ne peuvent pas se dire ici. Pensez pas par exemple que j'ai une terrible envie de vous prendre dans mes bras, de vous embrasser? Non, lâchez-moi. Bon, n'ayez pas peur, je ne vous embrasserai pas ici. J'ai horreur de ces baisers furtifs où ni l'un ni l'autre ne pense à ce qu'il fait. Alors que nous serions si tranquilles là-dedans. Mais d'abord, sous quel prétexte, dirais-je? Bon, je vous ai expliqué que vous n'aviez qu'à venir avec votre machine à écrire. Je serais supposé vous dicter 2 ou 3 lettres pressantes dont j'ai besoin de garder les doubles. C'est inattaquable. Non. Je pense beaucoup trop à vous pour travailler convenablement. Mais moi aussi, je pense à vous. Ah oui, mais vous n'avez pas travaillé. Bon, la vérité, c'est que je ferais sagement de boucler mes valises et de m'en aller. Je ne veux pas que vous vous en alliez. Ah oui, mais moi, je ne peux pas continuer à désorganiser mon existence comme je le fais depuis un mois. Encore faut-il que je reçoive quelque chose en échange. Enfin, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais vous pouvez venir chez moi. Non. Très bien. À demain matin, je ne serai plus ici. Eh bien, partez, puisque vous ne voulez rien comprendre. Non, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes moqué de moi depuis le commencement. Pourquoi? En me demandant de venir ici à votre suite. C'est pas moi qui vous ai demandé de venir ici. Ah, je demande pardon. Comme Oscar me l'a proposé, je vous ai dit que je serais forcé de renoncer à une importante tournée de conférence, mais que je serais néanmoins tout prêt à partir avec vous, à condition d'être sûr que ça vous ferait plaisir. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ça me ferait plaisir. Ah. Naturellement, ça me faisait plaisir. Ah oui, non. Mais je ne vois pas sur les mots, voulez-vous? Quand une femme dit à un homme que ça lui ferait plaisir, qu'il abandonne tout pour la suivre quelque part, il est en droit d'attendre autre chose que quelques vagues promesses. Non, la vérité, c'est que vous avez agi vis-à-vis de moi avec la plus abominable coquetterie. S'il n'avait tenu qu'à moi, je vous jure que vous ne seriez pas ici, malgré tout le plaisir que ça pouvait me faire. Vous n'avez qu'à me dire non, ne venez pas pour que je reste à Paris. J'aurais bien voulu pouvoir vous répondre ça. Qu'est-ce que vous en empêchez? Non, laissez-moi. Vous préférez que je parte en pensant que vous êtes moqué de moi? C'est pas ma faute ce qui est arrivé. Non, de qui est-ce la faute? De Mosca. Mosca? Qu'est-ce que Mosca vient faire là-dedans? C'est lui qui a voulu que je vous dise de venir ici. Pourquoi? Pour que vous me fassiez la cour. Ah, ça alors? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il voulait que j'écrive mon journal. Votre journal? Oui. Pour que... Pour que? Pour que Marc en fasse un roman, là. Ça alors? Ah, ça c'est plus beau que tout. Un roman sur moi? Sur nous. Mais alors j'étais complètement ridicule dans tout ça, moi. Vous croyez? Oh, mais décidément, il est plein de ressources, Mosca. C'est de lui tout seul, cette idée? Oui. Alors, vous êtes sûr qu'Evno ne l'a pas un peu aidé? Pauvre Marc, il ne se doute de rien. Alors, je vais me retrouver dans le prochain roman de Marc Evno. Et dans quel état je vois ça d'ici? Et vous, épouse des vues, vous n'avez pas hésité à vous prêter à cette ravissante comédie? Mosca m'avait menacé de nous couper les vivres si je n'essayais pas. Et ça suffit pour vous décider? J'étais tellement sûre que ça ne réussirait pas. Oh, ça a merveilleusement réussi, au contraire. Ah, il doit être des plus intéressants, votre journal. J'espère au moins que vous le montrerez. Mais vous n'avez donc pas encore compris que je vous aime? Bon, je voudrais vous croire. Malheureusement, après tout ce que vous venez de m'avouer... Est-ce que je vous l'aurais avoué si je ne vous aimais pas? Ouf, peut-on jamais savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme? Si vous ne me croyez pas maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je vous croie. Oui. Il faut que vous alliez chercher votre machine et que vous veniez avec moi immédiatement. C'est la seule façon de me convaincre. Il le faut absolument? Absolument. C'est bon, je vais venir. Mais partez devant, je vous rejoindrai. Et vous viendrez, c'est bien vrai. Oui. Je vous adore. Comme ça, il y aura au moins quelque chose qu'il ne racontera pas à son mari. Avec la machine. Maréchal a deux ou trois lettres à écrire, très importantes. Il m'a demandé si je ne voulais pas les taper. Alors il faut que tu lui serves de secrétaire à présent? C'est tout naturel que je lui rende ce service. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, nous rentrons à Paris. Et pourquoi? Parce que je ne me plais... définitivement pas ici. Je travaille mal, je... Tu travailleras mieux à Paris? À Paris, il n'y aura pas Maréchal. Ah, nous y revoilà. Je ne peux plus supporter cette promiscuité continuelle. Tu pourrais peut-être me demander mon avis, non? Écoute, je suis navré de te priver d'un séjour qui paraissait être agréable. En effet, il m'était agréable et de plus, il me faisait du bien. Ça, je ne sais pas si physiquement il te faisait du bien, mais ce que je peux te dire, c'est que moralement, il ne te vaut rien du tout. Qu'est-ce que ça signifie? Il a beaucoup changé, Jacqueline, depuis que nous sommes ici. En quoi? Alors quand je te parle, tu écoutes à peine, tu as toujours un prétexte, en short pour parvenir avec moi, enfin nous ne sommes plus jamais seuls. On a l'impression que tu ne comprends plus la vie qu'à trois. Mais crois-moi, il est grand temps de nous en aller. Ce n'est pas mon avis, et comme j'ai tout de même une fois par hasard le droit de faire ce que j'ai envie de faire, je décide, moi, de rester ici. Et tu t'imagines que je vais te laisser seul ici avec Maréchal? Personne ne t'oblige à partir. Oh, Jacqueline. Enfin, c'est la première fois depuis notre mariage que nous avons une discussion aussi grave. Ça prouve que j'étais beaucoup trop faible jusqu'à présent. J'ai toujours fait ce que tu as voulu. Eh bien, j'ai eu tort. Mais ça devient sérieux. Bon, ben, nous reprendrons cette discussion plus tard. J'ai promis à Maréchal d'aller lui taper ses lettres. Reste ici. Comment? Je te dis de rester ici. Oh, tu as tort, Marc. Je t'en préviens, tu le regretteras. Nous verrons bien. Il est encore temps de me laisser y aller. Je te défends de bouger d'ici. Oh, puis je suis bien bête de demander la permission. Jamais je ne te le pardonnerai, Marc. Tant pis. Si tu savais comme je te hais en ce moment. Je le vois. Ah, bonjour, ma petite Jacqueline. Bonjour, grand bonhomme. Je vous amène un gaillard qui ne supporte pas les voyages en voiture. Ça n'est pas un homme. C'est une loque. Oh, non, c'est trop vite. C'est trop vite. Alors, Maréchal n'est pas là. Il travaille? Oui, je pense. Ah, aussi, il va être récompensé. Il va tout de même l'avoir, son prix. Le grand prix du roman, tout simplement. Hein, Bourgine? Comment? D'abord, rien. Dormez, mon vieux. Dormez, dormez. Toi, tu vas bien? Tu as suivi mes prescriptions? Pas de travail, pas de préoccupations? Se reposer, manger, dormir? Oui, oui, merci. Bon. Ce que je vous demanderai, c'est d'aller m'étendre un peu. Je vais vous montrer votre chambre. C'est ça. Allez vous reposer un moment et puis je vous emmènerai faire un tour pour vous montrer un peu le pays. Encore? À pied, rassurez-vous. Par ici. Pour vivre. Quand repars-tu? Quand je repars? Oui. Mais attends un peu, j'arrive. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que, si tu veux bien, nous repartirons avec toi. Qui ça? Jacqueline et moi. Parce que? Tu es mon ami, Mosca, n'est-ce pas? Naturellement, alors. Alors, il faut que j'emmène Jacqueline d'ici le plus tôt possible. Ah, et pourquoi ça? Parce qu'il faut l'éloigner de Maréchal. Attends, j'en étais sûr. Ah, tu vas faire tout rater. Ce que tu peux être embêtant. Qu'est-ce que ça veut dire? Te laisse faire la cour par Maréchal, naturellement. C'est moi qui le lui ai demandé. Toi? Oui, pour que tu puisses écrire ton roman. Puisqu'il paraît que c'est le seul moyen. Tu dis? Oui, c'est même pour ça que je vous ai fait venir ici tous les trois. Alors. Non, c'est pas vrai, t'aurais pas osé. Il va m'engueuler maintenant. Et Jacqueline se serait prêtée à cette comédie? Mais naturellement, pour toi, toujours pour toi. Si c'était vrai, elle me l'aurait dit. Hein? Bon. Alors, me croiras-tu si elle te montre le journal qu'elle tient tous les jours à ton attention? Un journal? Son journal, parfaitement. Dans un magnifique cahier relié en maroquin vert dont je lui ai fait cadeau. Alors? Elle tient qu'un journal? Bon, on va le lui demander. Jacqueline, s'il vous plaît, voulez-vous dire à Marc pourquoi vous êtes ici? Et puis, vous seriez bien gentil de lui montrer votre journal. Comment? À répondre. Je n'ai rien à répondre. Tu vois? Naturellement, mais tu l'agaces, toi, cette petite. Je vous comprends très bien, moi, ma petite Jacqueline. Alors montrez-lui tout simplement votre journal et qu'il nous laisse tranquille. Vous voulez pas? Non. Écoute, Jacqueline, si ce journal existe, je te demande de me le montrer. Bah oui, quoi. T'as entendu? Alors? Tiens. Tu es content? En tout cas, je suis fixé. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, regarde. Mais pourquoi n'avez-vous rien écrit? T'as pas encore compris, non? Mais parce qu'elle l'aime, parbleu! N'est-ce pas? Avoue que tu l'aimes, ce grotesque! Eh bien oui, je l'aime, ce grotesque, comme tu dis. Je l'aime parce qu'il est beau, parce qu'il est fort. Ça te suffit, j'espère! Maintenant, on va peut-être me laisser tranquille, non? Eh ben voilà. Oh, bah, exagère. J'en étais sûr. Oh là là là là là là. Écoute, mon pauvre vieux, je suis navré, mais j'avais pas prévu ça. Laisse. Tellement convaincu qu'elle t'aimait, moi, tu comprends? Moi aussi. Je suis désolé. Mais oui, mais oui. D'ailleurs, tu sais, tout ça, c'est pas très grave. Hein. Oh, tu te rends. Oh là là, c'est pas de l'amour qu'elle éprouve pour lui. C'est un goût physique, assez violent, mais voilà tout. On vit pendant 10 ans devant un visage, et puis tout à coup... On s'aperçoit que ce visage n'était qu'un masque. Que le vrai visage, on vient seulement de l'apercevoir. Ça, c'est horrible. Dis donc, tu sais ce que tu devrais faire, toi? Moi? Tu devrais prendre un crayon et noter tout ça. Quoi? Noter quoi? Ce que tu ressens. Tes impressions, quoi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais pour ton roman, naturellement. Parce que tu t'imagines que je pense au roman en ce moment? Dis donc, mon vieux, hein, un littérateur, c'est comme un photographe. Ça doit être prêt à tout enregistrer, même les catastrophes. Surtout les catastrophes. Mais je me fous de la littérature, bon Dieu! Me coûte trop cher. T'en as de bonnes, toi? Qu'est-ce qu'elle te coûte à toi? Elle me coûte ma femme, tout simplement. Oui, je sais bien, pour toi, une femme, hein, c'est pas grand-chose. Bon, voilà, pour moi, c'est un peu plus, tu comprends? Ma femme, c'était toute ma vie, alors... Les livres, tu comprends? Ouais, tu m'as pas une raison pour y renoncer aux livres, hein? Oh, si, oh, ça, c'est fini, bien fini, je te le jure. Tu es fou, pour une fois que t'avais un sujet? On ne fait pas de livres avec son sang. Au contraire, sont même les meilleurs. Mais tu comprends non pas que sans elle, rien n'existe plus pour moi? Dis donc, Marc, il faudrait tout de même savoir ce que tu vas faire, non? Non, je sais pas. Alors tu renonces à l'écrire, ton livre. C'est définitif. Oui. Je me serais bien trompé sur ton compte. Hein. Enfin. Oh là là là là là là. Puisqu'on en est là, mon vieux. Hein. Emmène-la, c'est ce que t'as de mieux à faire. Si elle veut. Oh, elle voudra. Après la façon dont elle m'a parlé tout à l'heure, je m'attends à tout. Voilà. Tu veux partir? Oui. Tu vois. Qu'est-ce que je te disais? Vous avez bien raison, ma petite Jacqueline. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Eh bien, voilà, je vais donner des ordres à mon chauffeur pour qu'il se prépare à vous conduire à la gare. Merci. Ben, de rien. C'est tout naturel. Voilà, j'ai décidé d'aller passer quelques jours à Orléans chez mes parents. Comment tu veux? Il faut absolument que je sois seule pendant quelques temps. J'ai besoin de voir clair en moi. Mais je ne veux pas. Oh, je t'en prie, Marc. Je suis horriblement fatiguée. Dans quelques jours, quand j'aurai pris une décision, je t'écrirai. Mais quelle décision pourrais-tu prendre? Je ne sais pas. Allons, tu ne veux pas me quitter tout à fait? J'ai pas dit ça. Jacqueline. Oui. Tu l'aimes pas à ce point? Mais je n'en sais rien. C'est pour ça que je vais être seule, pour savoir. Ben, qu'est-ce que je vais faire, moi, alors? Mon pauvre Marc, va. Je suis désespérée de te faire cette peine. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui trouves à cet homme? Oh, ne recommençons pas, hein. Ah si, écoute, tu m'as crié que tu l'aimes, maintenant tu veux partir sans rien expliquer. Mais comment veux-tu que je t'explique quand je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive? Et tu crois que je pourrais vivre, moi, en sachant seule là-bas? Mais je ne serai pas seule, je serai chez mes parents, ça va te rassurer. Tu me dis que tu y vas chez tes parents. Oh, Marc! Oh, ben maintenant j'imagine tout. Eh bien, accompagne-moi. T'as raison, je viens avec toi. Marc! Quoi? Il faut que tu me permettes, avant de partir, de lui dire adieu. Ah non, ça jamais. Si, Marc. Tu ne peux pas me refuser ça. Je le verrai ici. Non, non, je t'assure, c'est au-dessus de mes forces. Songe que ce sera peut-être la dernière fois. T'as été sa maîtresse? Non, Marc. Tu me le jures? Oui. Comment savoir maintenant quand tu dis la vérité ou quand tu mens? Bon, puis après tout, fais ce que tu veux, ça m'est égal. Je n'ai pas pu venir. Oui, ou pas voulu. Mais non, je viens d'avoir une scène épouvantable avec mon mari à cause de vous. Oh, je suis désolée. Alors voilà, nous partons. Comment vous partez? Oui, dans quelques instants. Vous allez où? À Orléans, chez mes parents. Chez vos parents? Alors seule? Oui, je serai seule. Bon, alors donnez-moi votre adresse. Pourquoi? J'y serai demain après-midi. Je ne peux pas partir ce soir parce que j'ai un article pour l'Amérique. Il faut absolument que je termine ce soir. Mais je prends le train demain matin. À quoi bon? Vous ne m'aimez pas? Comment je vous aime? Pas. Mais non. Donnez-moi l'adresse de vos parents, vite, Jacqueline, je vous en prie. Merci. Vous me verrez à moi dès que je serai arrivé. Non, je ne veux pas que vous veniez. Vous savez quel est le meilleur hôtel à Orléans? Je crois que c'est... Partez, partez, vite, je ne veux pas qu'il vous trouve ici. C'est l'hôtel des Trois Dauphins. Merci, à demain. Ah ben voilà, la voiture vous attend. Bon voyage, ma petite Jacqueline. Au revoir, Mosca. Au revoir. Bon, alors, s'il vient du courrier pour moi... C'est entendu, je te le ferai suivre à Paris. Ah, non, non, non, à Orléans, poste restante. Mais quoi, vous n'allez pas à Paris? Non. Elle veut se réfugier quelques jours, seule, chez sa mère. Et toi, alors? Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais l'attendre. C'est dur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est dur? Ben, la séparation. J'ai rendez-vous avec elle demain à Orléans. Qui? Allez, maréchal. Qui a rendez-vous demain à Orléans? Ben, vous, je ne vous parle pas. Vous êtes conduit vis-à-vis de moi d'une façon ignoble. Oui. Ben, en attendant, je tiens à vous prévenir un ami que si vous allez à Orléans, vous allez tomber sur Evnos. Bien vrai. Vous ne vulgarisez pas qu'il me fait peur, non? C'est le scandale que vous cherchez? Non, je n'ai besoin de personne pour m'indiquer mon devoir vis-à-vis d'une femme dans un cas pareil. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous. De moi? Oui. Vous ne pouvez pas vous permettre de scandale dans votre situation actuelle. Pourquoi? Mais mon cher maréchal, bien que vous me parliez durement, j'ai travaillé pour vous, moi, à Paris. L'Académie française se dispose à vous décerner le grand prix du roman. C'est vrai? Vous pouvez demander à Bourgine? Vous avez 9 chances sur 10. Actuellement? Parce que si l'Académie française, qui ne plaisante pas avec ce genre de principe, apprenez que vous avez soulevé à 8 jours du vote et à grand renfort de scandale la femme d'un de vos confrères, elle modifierait peut-être sa façon de voir. Hein, Bourgine? Oui, l'Académie n'aime pas ça. Alors, il s'agit de savoir si vous voulez recueillir et faire recueillir par votre éditeur le fruit de votre travail. Ou si vous préférez compromettre tout ça par un coup de tête que vous regretterez d'ici 2 jours. D'abord, est-ce que je leur ai esprit? Vous avez 9 chances sur 10. Oui, on m'a déjà fait le coup une fois avec la prise de là. Allons, un bon mouvement, maréchal. C'est dur, vous savez. Elle est charmante, cette petite. Ah, évidemment. Notre carrière vaut-elle ou ne vaut-elle pas ce sacrifice? Toute la question est là. Hein? Ah, évidemment, elle le vaut. Alors? C'est bien. Je n'irai pas. Ah, la bonne heure. Oh, enfin, un littérateur. Un vrai. Tu y penses toujours autant, n'est-ce pas? Ne recommençons pas, veux-tu? Réponds-moi. Si je te dis que j'y pense plus jamais, est-ce que tu me croiras? Non. Alors à quoi bon remettre à chaque instant la conversation là-dessus? Tu te figures que c'est un moyen pour m'empêcher d'y penser? Enfin, rassure-toi, je ne te tourmenterai plus jusqu'à ce soir. C'est l'heure d'aller au ministère. Tu ne peux pas me laisser un peu d'argent? De l'argent? Où veux-tu que je le prenne? Le tapissier est encore venu ce matin. Il n'y a pas moyen de lui donner un petit à-compte? Avec quoi? Tu ne pourrais pas demander une avance sur tes appointements au ministère? Mais il y a longtemps que c'est fait. Et si tu allais trouver Mosca? C'est tellement humiliant de s'adresser à lui après ce qui est arrivé. Enfin, il faut tout de même trouver cet argent. Ne peux pas attendre un peu ton tapissier, non? Il n'y a pas que lui. Je n'ai pas payé Noémie depuis 2 mois. Quant au téléphone, ils ont prévenu ce matin qu'ils allaient le couper. Il est vrai pour ce qui sert à présent. Enfin, je tâcherai de m'arranger d'une façon ou de l'autre. Je voudrais pas que tu t'imagines que je ne me rends pas compte du courage qu'il te faut pour supporter cette existence. Surtout après celle que nous avons menée pendant 2 ans. Non, c'est tout naturel. Tu es très courageuse, Jacqueline, et... Enfin, voilà, je voulais dire que je t'admire, c'est tout. À ce soir. À ce soir, mon chéri. C'est pas la peine de m'appeler mon chéri parce que j'ai dit ça. Allons bon. À ce soir alors. À ce soir. Noémie. Quand le tapissier viendra, vous lui direz que tout le monde est sorti et que j'irai sans faute avant la fin de la semaine. Bien, madame. Oh, c'est lui probablement. C'est Monsieur Maréchal, madame. Monsieur Maréchal? Oui, madame. J'ai dit que je ne savais pas si madame était là. Dites-lui que je suis souffrante. Bien, madame. Noémie, attendez. Faites-le entrer. Pardonnez-moi de forcer votre retraite. Il ne fallait pas venir. Songez que vous auriez très bien pu rencontrer Marc. Je ne pouvais pas le rencontrer, j'ai attendu pour monter qu'il soit parti. Ce n'est pas seulement à cause de Marc qu'il ne fallait pas venir. Je voulais vous parler. Mais vous savez très bien que nous n'avons plus rien à nous dire. Je vous ai écrit, je vous ai expliqué. Non, écoutez-moi. Je sais très bien tout ce que vous êtes venu me dire. Non, non. Mais si, vous êtes venu me faire des reproches à propos de ce télégramme que j'ai dû vous envoyer en arrivant à Orléans. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi? Il m'avait menacé de se tuer si je le quittais ne fût-ce qu'une heure. Non. J'ai décidé d'oublier tout ça. À condition que je m'engage à vous revoir. Hein? Non, non, non, non. Non, je suis venu vous apporter ceci. Qu'est-ce que c'est? Le manuscrit d'une nouvelle que je viens de terminer. Pourquoi? Ne venez pas? Non. Enfin, c'est un peu notre histoire. Vous en avez fait une nouvelle? Oui, oui. J'ai tenu à ce que vous fussiez la première à connaître une œuvre tout imprégnée de votre souvenir. Ces reproches que je viens de vous adresser en imaginant un autre but à votre visite, c'est absolument ridicule. Non, oh, ridicule, non. Injuste, tout au plus. Oui, excusez-moi. Je crois que vous aimerez cette petite histoire. C'est quelque chose d'assez nerveux qui contient certainement les meilleures pages que j'ai écrites. Ça paraîtra chez Mosca avec 2 autres nouvelles que j'ai déjà publiées dans les revues et que je réunirai en un volume sous le titre Vertige, oui. Vertige au pluriel. J'aime assez ce titre. Pas vous? Comment? Ce titre, Vertige au pluriel. Qu'en pensez-vous? En quoi mon impression peut-elle avoir le moindre intérêt pour vous? Vous ne doutez pas, j'espère qu'il en est un très grand. Jacqueline, j'aurais beaucoup aimé vous dédier cette nouvelle. Me la dédier? Il vaut mieux pas. Pourquoi? Mais à cause de Marc. Je ne sais pas d'ailleurs comment il va prendre tout ça. Ah non, non, non, rassurez-vous, j'ai fait les transpositions nécessaires. Physiquement, d'abord, la femme ne vous ressemble en rien, non. De plus, elle n'est pas mariée. Elle a simplement une liaison avec un être assez falot. Il s'agit bien de deux écrivains, non? Enfin, il s'agit surtout d'un écrivain. L'autre joue un rôle secondaire. C'est d'ailleurs un être terne, effacé. Et vous ne craignez pas que si Marc lit cette nouvelle, il ne comprenne de qui il s'agit? Bah, que voulez-vous? Quand il comprendrait, tant pis. J'aimerais autant éviter un nouveau drame. Quel drame voulez-vous qu'il y ait? Il est beaucoup plus violent que vous l'imaginez. Croyez-vous? J'en suis sûre. Au surplus, comme je pars... Vous partez? Ah oui, oui, oui, je pars après-demain pour une tournée de conférence au Canada. Mais ça vaut mieux. Ah non, ne croyez pas que je fuis le moins du monde devant ces petits risques du métier. Adieu, Jacqueline. J'emporte de vous une trop charmante image. Je ne tiens pas à lire cette nouvelle. Ah? Je suis un peu surpris, je dois le dire. Vous avez témoigné jusqu'ici d'un certain intérêt pour mes œuvres. Je lirai votre prochaine nouvelle avec le plus grand intérêt, mais pas celle-ci. Je n'insiste pas. Je regrette seulement de vous avoir dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé. Alors adieu. Adieu. Je ne suis pas allé au ministère. Parce que j'ai été voir Mosca. Ah? Oui. Oui, j'ai compris que je ne devais pas te laisser dans l'embarras en refusant par amour propre d'aller lui emprunter cet argent. Alors je suis passé à son bureau, il n'y était pas d'ailleurs. J'ai laissé un mot disant qu'il fallait que je le voie, enfin que c'était urgent. Et puis alors, comme il était tard, j'ai téléphoné au ministère que j'irai pas et je suis rentré à pied. Je suis contente que tu sois rentré plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? J'avais envie de te revoir. Je t'en prie, oui, oui. Dis pas ces phrases que tu ne penses pas. Tu es bête, tu ne sens pas que c'est vrai? Tu es très charitable, mais je sais, va, je sais. Tu savais justement comme les événements travaillent pour toi en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus tard. Non, non, non, qu'est-ce qu'il y a? Tu as appris quelque chose depuis tout à l'heure? Oui. Et quoi? Si je te le dis... Est-ce que tu te mettras en colère? Mais non. Oh, puis si tu te mets en colère, tant pis pour toi. Ça prouve que tu n'auras rien compris en moi. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Là. Voilà. J'ai eu une visite cet après-midi depuis que tu es sorti. Maréchal. Quoi? Tu m'as promis de ne pas t'emporter, hein? Comment il a osé venir chez moi? Et toi, tu l'as reçu? Si je ne l'avais pas reçu, je me sentirais moins près de toi en ce moment. Pourquoi? J'ai perdu quelques illusions cet après-midi. Sur lui? Faut croire que cette misérable histoire était un sujet bien passionnant, car il en a fait une nouvelle. Quoi? Quoi? Mais enfin, tu lui as pas dit que tu trouvais ça abominable? Je lui ai surtout dit que je ne savais pas comment toi tu prendrais la chose. Il faudra que je lui casse la figure, hein, M. Maréchal, c'est comme ça que ça se termine. Je comprends très bien que tu sois furieux, mon chéri. Oh, non, furieux, je ne suis pas furieux, je suis, comment dirais-je, indigné. Bien oui, moi aussi j'ai trouvé tout de même que c'était un peu fort que cette histoire ne soit arrivée pour que ça lui serve à lui. Et puis, au fond, hein, qu'est-ce que ça nous fait? Comment est-ce que ça nous fait? Mais oui, laissons-le donc écrire ses petites histoires si ça lui fait plaisir. Sais-tu ce qui me fait plaisir à moi? C'est de penser qu'il y en a un qui n'a rien fabriqué avec cette histoire, qui s'est contenté d'en souffrir, lui. Et je me sens une grande tendresse pour celui-là. J'aime que tu n'écrives rien, toi, mon chéri. Pourquoi fais-tu cette figure? Jacqueline. Oui. Je t'ai menti. Comment? Moi aussi, j'ai écrit quelque chose. Qu'est-ce que tu as écrit? Oh, ce sont seulement des notes. Mais quand? Tu ne travaillais jamais? Au ministère. C'est vrai? Oui, tu sais, ça a été plus fort que moi. J'ai résisté tant que j'ai pu, je voulais pas. Hein. Puis alors, un jour, j'ai commencé à écrire, c'était l'engrenage. Tu sais, c'était comme une sorte de fièvre. Comprends, pendant 2 ans, j'avais été tellement malheureux de n'avoir plus rien à dire. Et puis voilà que tout à coup, j'avais énormément à dire. Alors le matin, en arrivant, je commençais par expédier ce que j'avais à faire pour le ministère, puis aussitôt que c'était fini, quoi, je me mettais au travail. Et depuis combien de temps? 1 mois environ. Où est-ce? Dans un dossier. Dans un dossier? Où est ce dossier? Dans le tiroir de mon bureau. C'est ça? Oui. Mais il y en a au moins 2 volumes. Oh, pas tant que ça. Oh si, je suis sûre que ça fait 2 fois le manuscrit d'Éveil du cœur. Non, aussi. Tu sais, c'est écrit très large. Et c'est toujours cette même histoire. Oui. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu l'amour de sa femme. Ça commence au moment où il vient d'apprendre qu'elle en aime un autre. Alors, pour l'arracher à cet autre, il l'emmène, ils partent ensemble. Tu as trouvé le moyen d'écrire 2 volumes là-dessus? Ah ben après, il y a toute l'histoire de sa douleur à lui, enfin, l'obsession de l'autre qui pèse sur eux, enfin, toute la tragédie d'un amour détruit, quoi. Certainement ce que j'ai fait le mieux jusqu'à présent, moi. Ah, toi aussi? Oui. Il y a là-dedans, sur la jalousie, des choses... Enfin, que personne à ma connaissance n'avait encore dites. D'ailleurs, comme je n'ai pas l'intention de le publier... Pourquoi ça? Je sais très bien que j'ai abandonné la littérature. Je ne sais pas si tu as abandonné la littérature, mais je commence à voir que la littérature, elle, ne t'a pas abandonné. Pourquoi dis-tu ça? Mais mon pauvre chéri, ce manuscrit en est la preuve. Quand on peut se regarder souffrir et ensuite raconter ce qu'on a vu, c'est qu'on est né pour la littérature. Il te manquait que ça, en somme, souffrir un peu? Non, que j'aurais mieux fait de rien dire. C'est vrai, seulement... Tout à l'heure, quand j'ai senti ta tendresse en train de renaître, j'ai pas pu faire autrement. J'aurais dû penser que c'était inévitable. Et qu'aussitôt que tu ne serais plus inquiet de moi, eh bien, tu te débarrasserais tout doucement de ta souffrance en la racontant. J'en suis pas débarrassée pour ça. Mais je ne te le reproche pas, mon chéri. Au contraire, c'est tout naturel, tu sais. Non, ce que je te reproche, au contraire, c'est de ne pas m'avoir dit que tu écrivais ce livre. Hein? Pourquoi me l'as-tu pas dit? Pense, comme ça aurait été différent pour nous. Quand, le soir, tu rentrais du ministère, au lieu de rester face à face, là, reparler du passé et nous faire du mal, nous aurions eu ton livre comme sujet de conversation. Pense quelle distraction ça aurait été pour nous. Oui, justement. Quoi, justement? Ça aurait plus été la même chose, ce moment. Qu'est-ce qui n'aurait été plus la même chose? Mon livre. Puisque c'est l'histoire de notre bonheur perdu. Il ne fallait pas de distraction. Eh non. Tu oses prétendre que tu n'es pas un littérateur. Oh, écoute, veux-tu que je brûle tout ça? Ne dis pas de bêtises, surtout des choses que tu ne penses pas. Donne-moi ce manuscrit tout de suite. Bien sûr, écoute, qu'est-ce que ça peut te faire que je le détruise, puisque de toute façon, je ne le publierai pas. Tu sais aussi bien que moi que tu le publieras. Bien sûr, ça me serait très désagréable de le voir publié. Pas tant que ça. C'est monsieur Mosca, madame. Monsieur Mosca, qu'il entre. Bonjour, Mathilda. Comment ça va depuis tout ce temps-là? Très bien, merci. Hein? Vous m'excusez. Quoi, vous vous en allez? Oh, une seconde, un fournisseur à voir, je reviens tout de suite. C'est promis? Oui, oui, oui. Au revoir. bonhomme. Bonjour. Ah, alors j'ai reçu ton message. Tu le dis tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Fallait pas te déranger, je serais repassé à ton bureau. Je vais pas déranger du tout. Dis donc, il paraît que tu es rentré au ministère? Oui. Oh, bah t'as eu raison. Oh, tu seras beaucoup plus heureux comme ça. Au fond, tu n'étais pas fait pour cette vie agitée de littérateur. Et ça dépend. Oh non, ça ne te comble pas du tout. Non, alors qu'est-ce que tu me voulais? J'aime autant te dire tout de suite que si c'était pour me demander de l'argent, je suis désolé, mais pour le moment, c'est un peu difficile. Enfin, ce serait même impossible, pour tout dire. Bon, écoute, non, il ne s'agit pas d'un prêt, mais plutôt d'une avance. Ah, c'est ça, on appelle ça une avance, mais c'est plus gentil. Donc. Non, mais il s'agit d'une avance sur un livre. Ah, quel livre? Le livre que je suis en train de terminer. Ah, tiens. Et je crois même pouvoir dire que c'est un assez beau livre. Eh bien, bravo, mon vieux, bravo. Alors, j'ai pensé que tu serais content de savoir. Ah, moi, je suis enchanté, pour toi. Et comme momentanément nous sommes un peu gênés. Non, Marc, non, je te l'ai dit tout à l'heure, ne me gêne pas en me le redemandant. Il n'y a rien à faire. Non, vraiment, il est presque fini. Je te crois, mais j'ai pas confiance. J'ai comme ça, moi, je fais confiance aux gens jusqu'à un certain point, et puis quand c'est fini, c'est fini. Ben voilà. Je t'ai vu dans des circonstances où on juge un vrai romancier. Oh là là, hey, dis donc, t'es pas un vrai romancier. Vraiment? Quand on ne peut pas supporter quelques ennuis pour écrire un bon livre, on ne se fait pas littérateur. On peut très bien écrire un livre sans ça, Mosca, crois-le. Témoin celui-ci. Oui, encore un de ces bouquins où il ne se passera rien. Je te fais confiance. Il se passe le plus poignant drame d'amour qui se termine par la ruine d'un bonheur. J'étais bien sûr qu'il s'agissait de ça. Ouais. Bon. Alors, enfin, si je comprends bien, tu refuses de l'éditer. Ah, écoute, Marc, j'ai pris mon parti de tout l'argent que ça m'a coûté. J'ai passé ça par profits et pertes. Ben, je crois qu'il vaut mieux qu'on n'en parle plus. Très bien. Non. Dis donc, Jacqueline, il ne veut pas publier mon roman, ça ne l'intéresse pas. Mais vous êtes fou, Mosca. Juste au moment où il allait vous donner ce livre que vous attendez depuis 2 ans. Justement, j'ai trop attendu. Ah, oh, vous le regretterez, c'est moi qui vous le dis. Hein. Je ne regrette jamais rien, Jacqueline. Jacqueline, voyons, ne discute pas, mon chéri, c'est pas la peine. Il y a d'autres éditeurs que lui à Paris. Mais bien sûr, voyons. Alors, puisque je viens de retrouver ma liberté, je vais sans plus tarder. 32-64. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ce numéro qui forme là? Je ne sais pas. 64. Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Chamillard, s'il vous plaît? De la part de Marc Evenos, oui? Non, Monsieur Chamillard lui-même. Merci. Tu vas pas parler à ce Forban qui se double d'un gâteux, non, quand même. Allez, écoute-moi. Allô? Monsieur Chamillard, bonjour, Monsieur Chamillard, comment allez-vous? Oui, est-ce que je pourrais vous voir, Monsieur Chamillard? Oui, mais moi, je suis là, je voudrais que tu me vois tout de suite. Voilà, je voudrais vous parler du roman que je suis en train de terminer. Non, non. Non, voyez-vous, je n'ai plus le contrat avec Mosca, il est expiré, je ne désire plus signer avec lui. Vraiment, j'ai eu trop d'ennuis dans cette maison. Écoute-moi. Et de toute façon, reprends ce causon. Alors, pardon. Ça suffit maintenant, allez. Malin, t'as coupé la communication. Allez, je te le prends, ton roman. Trop tard. Fais pas ta mauvaise tête, tu sais bien que tu finiras par me le donner, alors. Ah, tu crois? Offrez-lui une avance. Qu'est-ce que tu veux comme avance? 300 000. T'es devenue folle, non? Je vous fais un chèque de, je te fais un chèque de 200 000 tout de suite. Allô? Non, je t'assure, j'aime beaucoup mieux les Chamillard. Allô? Ce serait tout de même un peu fort que j'ai fait tous les frais du bouquin, que ce soit Chamillard qui publie, non? Allez, oui. Publie maintenant. Marc, qu'est-ce que ça fait de dire un chiffre? Oh, allez, dis un chiffre. Alors 500. 500? T'es tombé sur la tête, non? N'en parlons plus. 32, c'est tout ce que je souhaite, moi. Non, allez, écoute, allez, non, 300 000 francs, c'est mon dernier mot. Allô? Je te donne une dernière chance. Monsieur Chamillard. 350 000 tout de suite et 150 000 quand le bouquin aura paru. Allô? 500 tout de suite. Allô? Il a fait des progrès, votre mari. Vous ne trouvez pas qu'il exagère un peu? Il profite un peu de la situation. Bon, d'accord, t'es le plus fort. Quelque chose, alors, ça. Bon, et c'est pas tout. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne publieras pas la nouvelle de Maréchal. Quelle nouvelle? Celle qu'il vient d'écrire. Ah oui, celle, oui. C'est ça. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il a un contrat, hein? Pardon, le sujet m'appartient et personne d'autre n'y touchera. D'ailleurs, c'est bien simple. Si Maréchal essaie de publier son sujet, moi, je lui casse la figure. Je peux toujours lui dire ça le fera peut-être réfléchir. Voilà. Bon, eh ben d'accord. Alors, tu viens chez moi demain matin au bureau. 10h30, ça va? Oh, 10h30, t'es fou, c'est trop tôt, mon vieux. À ce temps-là, je suis au ministère, moi. Oh, bon, tu nous embêtes avec ton ministère, maintenant tu t'es remis à écrire. Tu vas le laisser tomber, ton ministère. Non, je ne lâcherai plus le ministère. Et pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où je puisse travailler. C'est pas bête comme réponse. Bon, alors, midi. Ça va? Midi, d'accord. Le manuscrit, je l'aurai quand? Premier volume tapé dans 8 jours. Le premier volume, il y en a plusieurs? 2. Ce que c'est d'avoir un bon sujet. Quand je pense qu'il ne me remerciera même pas. Enfin, on va arrêter de jacquer. Et le chèque? Demain matin, le chèque. Pourquoi? En signant le papier, ça sera plus régulier. À midi, toi, hein? Oui. Fort bon. Alors, Tu me méprises toujours autant d'avoir agressé. Mais tu es bête, je ne t'ai jamais méprisé. Oui, enfin tu m'en as voulu, hein. Un peu, oui. Un peu. Et maintenant? Elles auraient été bien bêtes de ne pas le faire, hein. Allez, porte-moi la machine. Ah. Si nous voulons que le premier volume soit tapé dans 8 jours, il n'y a pas une minute à perdre. Non. Voilà. Oh. Chère vieille machine. Tu te rappelles quand tu me dictais les Weidicker il y a 3 ans? Oui. Heureux temps revenu. Heureux temps, enfin. Tu n'étais pas heureux à ce moment-là? Bah, tu sais, je venais de découvrir ton journal de jeune fille au fond d'un tiroir et d'apprendre par la même occasion que tu avais aimé un autre homme avant moi. Je ne pouvais pas être très heureux. Plains-toi. C'est grâce à ça que tu as écrit le livre. Bon, petit gentil, si chaque fois que je vais écrire un roman, alors il faut qu'il y ait un drame dans notre ménage. Tu pourrais essayer d'écrire des romans gays. Si. Non, je suis vraiment bon que dans la douleur. Alors, mon pauvre chéri, qu'est-ce que tu veux? S'il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui, évidemment. Mais quelle existence!